Salut, c'est Bob Sinclair sur Energy. Salut, c'est Jennifer. Hey, this is Justin Timberlake. Merry Christmas on Energy. Avant 21h, je vous propose Maître Gims, Lil Wayne et French Montana. C'est le même titre, hein. Ils sont tous les trois dans le hit, c'est Colasson qu'on va écouter. Et à partir de 21h, comme chaque soir, vous avez l'habitude, inutile de le présenter, c'est Vince qui va débarquer avec toute son équipe. D'ailleurs, l'équipe de Vince est restée dormir cette nuit, ici Nigel, Thibaut et Eddie. D'ailleurs, ils n'ont même pas dormi. Ils sont restés dans les studios, ils ont fait que travailler. Donc autant vous dire que cette équipe, ils vous préparent du lourd pour ce soir, en tout cas je l'espère. Mais chaque soir, c'est très très lourd. Ça démarre dans un instant, ne bougez pas. Et moi, je vous retrouve demain 20h. Ciao. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez, vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist énergie inspirée par vous. My dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a bloodless year, I'm a man of three fears, integrity, faith. Trust me, darling, trust me, darling. Bad liar, bad liar. Now you know, I'm a bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go. All my dreams never mean

Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission. Car vous pouvez griller vos enfants, parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'énergie de nous écouter car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons au CSA de nous écouter car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur NRJ. Vince dans la maison. C'est ça. Bonsoir tout le monde, il est 21h. Oh, ça y est, on est reparti là. C'est... Alors, c'est pas la DRDDR. Non, c'est pas la DRDDR avant, comment expliquer, avant les vacances pour tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en vacances. Ouais. J'ai reçu plein de messages. Genre, ça y est, Vince, toute la journée, c'est bon, j'ai fini mes examens. Qu'est-ce qui s'est passé, Lara? Oh non, ça va faire mal, tu t'es cogné quoi? Le genou là? C'est pas le genou que tu t'es cogné, hein? Si. Quand je m'assis là, ce qui m'arrive rarement, je me pète toujours le genou. Sérieux? Ouais, ouais. Zenry là, l'autre jour aussi, il s'est pété. Ouais, c'est pas ergonomique, hein? Ouais, c'est bizarre, hein? Il y a des trous en dessous d'un temps. Ouais, c'est ça, non, mais c'est tes genoux qui ont grossi, hein? Ouais, c'est ça, le chocolat des affûtes. Voilà. Bonsoir Lara, comment ça va? Ah, super bien. Allez, musique, attends. Alors là. C'est Lara, toi-même, tu sais. Quelle longue journée, n'est-ce pas, Lara? Mais oui, mais on aime bien, tu sais. Ah oui, on adore ça. Il faut expliquer ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait. Les auditeurs, vous n'êtes pas prêts, hein, parce que vous nous entendez, mais je crois qu'on va accueillir tout le monde à l'émission, mais. Je crois que les trois quarts des gens dans cette émission n'ont pas dormi depuis hier. Tout à fait. Depuis qu'on vous a dit au revoir, bonne nuit hier à 1h45 du matin. Mm-hmm. Pardon, 1h45. Ouais, c'est ça, j'ai tendance à toujours exagérer. Il y en a qui n'ont pas dormi, ou pas beaucoup, ouais. Ou ont dormi ici. Enfin voilà, toi Lara, t'as dormi, j'espère. Mais je préfère que ce soit les auditeurs qui tu vois, qui votent pour qui sentent un peu rabougri et qui sentent bien, quoi. Attends, j'espère que je vais pas avoir les votes sur moi ce soir. Hein. Bon, on va voir, on va faire le tour de table. Bonsoir Nigel, comment ça va? Bonsoir. C'est bon, vous avez déjà un sur... Non. Bien ou quoi? Mais ça va Nigel? Ouais, bien. Non, journée spéciale. Hein. Bah ouais, journée très spéciale, ouais. Vraiment, aujourd'hui, Thibaut et Eddy sont dans la maison aussi. On va vérifier si leur micro est réparé à l'eau. Ouais, Eddy, ouais. Thibaut, super. On vous entend. Ah, super. Yeah, ils sont de retour, ah bah voilà. High five, police, high five, brigadier. Comment ça va Thibaut? Ah, je pète la forme. Je constate, t'as l'air d'avoir un petit peu récupéré, un petit peu. Ah, vite fait. Ouais, très vite fait. Ouais, hein. C'est la petite sieste. Ouais. Où tu m'as réveillé toutes les deux minutes là. C'est vrai, le pauvre, il se saisit. Tu fais ça? Ouais, mais c'est parce que j'avais besoin de Thibaut pour un tournage vidéo à énergie et tout. Et donc j'arrive, il est en train de se reposer. Je fais Thibaut, et puis il se réveille tout de suite. Par contre, Eddy, dans un coma profond, avec son téléphone en main, qui est en train de jouer une vidéo YouTube, hein, n'est-ce pas, Eddy? Bah ouais, je regardais une série sur Netflix d'ailleurs. Et tu t'es vite endormi, hein, putain. Bah, j'ai regardé la série, 2 secondes, le temps de lire le premier sous-titre et je me suis endormi. Et bam, tout de suite directement. Bah ça va, vous avez compris qu'il n'y a pas d'heure. Oula, sorry. Et toi, désolé. Et toi, Vince. Eh ben, écoute, tu viens d'entendre, je viens de bugger avec mon ordinateur. Il y a 4 gars qui n'ont pas dormi et une meuf qui est. Voilà, ça va. Aujourd'hui, vous devez comprendre un truc, chers auditeurs. C'est vrai que ça fait quelques minutes là, qu'on est en train de vous en parler. Et d'ailleurs, je vais lire vos messages. Là, vous les envoyez déjà très nombreux sur le WhatsApp. Dans quelques instants, je me mets dessus. Envoyez des notes vocales, hein, les amis. 0492 222 002 si vous êtes en vacances ou non. Et aujourd'hui, on a eu une grosse réunion pour 2019 avec de notre groupe. Hein. On a un groupe média. On est. Faut le dire, hein, c'est le groupe média leader en radio en Belgique. Hein, voilà. Oui, il faut le dire. Ouais, voilà. Ouais, faut dire des choses. Pas nous, c'est les chiffres qui l'attestent. Donc voilà. Mais bref, c'est pas ça le thème. Le thème, c'est que aujourd'hui, donc présentation de qu'est-ce qui va se passer en 2019 pour énergie, pour la chaîne énergie, pour nostalgie, la radio chérie aussi. Oui, parce qu'il y a une radio qui s'appelle chérie. Ah ouais. Voilà. Donc il y avait tout le monde qui était là, les 115 travailleurs pour d'ailleurs tout ça. Vous pouvez le mater sur Instagram. Hein, sur Instagram, il y a toute la journée. Sauf que comme ça va être du très tôt ce matin. Enfin, ça c'était à 11h. Hein, c'était à 11h. Il y avait un petit déjeuner le matin très tôt. 8h30, etc. Et ben en fait, en gros, la team, elle a fait nuit blanche. Elle est restée dormir ici à Énergie en sachant il y a Nigel, il y a Eddy, il y a Thibaut. Ils sont restés dormir. Ils étaient là le matin pour leur petit déjeuner gratuit. Voilà, moi, vie de famille, j'ai dû déposer ma fille à l'école. Hein, c'est bien le classique. Hein. Et je dis quand même, et là, franchement, alors ça a beau être un enculé, un connard, un mec qui nous casse les couilles, qui nous fait chier, excusez-moi pour cette vulgarité à 21h05. Nigel, là où je dis quand même respect et que je t'applaudis, mec, c'est que t'as été à ton examen après. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, je leur applaudis quand même. Ça a beau être un salaud, le mec, quand même. Il a fait quelque chose de très fort. Ouais, mais j'ai corrompu le prof, donc on calme. Ah, bah, voilà, je l'avais dit, ça reste un salaud. Hein. Bon, les amis, ce soir, dans votre émission préférée, qu'est-ce qu'on va faire, vous qui êtes accro à cette émission? Eh ben, on va vous faire rêver. On va rigoler, on va se marrer, on va parler de choses sympathiques, on va parler du Nouvel An. C'est quoi votre meilleure ou pire expérience vécue au Nouvel An? C'est le Nouvel An, c'est le moment où j'ai vu les trucs, j'ai vu la pire des chances de l'humanité et en même temps les choses les plus belles. C'est vraiment dans tous les sens. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Le dossier de ce soir, est-ce que vous avez déjà été victime d'un animal? Vous allez devoir balancer vos petites histoires. Quand je dis victime d'un animal, est-ce qu'un animal vous a déjà attaqué ou fait un truc? Genre, vous n'y attendez pas, que ce soit à la mer, en vacances, un chien. D'ailleurs, Thibaut, t'as une petite expérience à nous raconter. Passé lundi. Ouais, c'est ça qui nous a donné l'idée d'en parler ce soir. Ouais. Et après, j'ai vos messages WhatsApp, promis. Ok, donc je raconte maintenant en fait. Bah vas-y, raconte. Je pensais que t'allais lancer une chanson. Ok. Bah en fait, tout simplement, j'étais chez ma copine et elle a un American Staff, c'est encore un jeune. Donc c'est comme un pitbull. Ouais, donc il kiffe jouer, etc. Et je voulais vraiment pas jouer avec lui. Et j'étais en pantalon de pyjama, mais j'avais pas de calbar en dessous. Et du coup, il sautait et il mordait pour essayer de s'accrocher à quelque chose, mais il s'est accroché à ma queue en fait. Oh my gosh! Oh my gosh! Et du coup, il a bien attrapé ou? Ah ouais, mais il a quand même bien attrapé, il m'a mis en PLS quelques minutes. Mais bon, j'ai pas saigné ni rien, mais ça m'a vraiment fait mal, je suis resté en PLS. T'as pas perdu ton frein? Non, ça va, il est déjà perdu celui-là. Ah ouais, il a eu ça, c'est vrai. Thibaut qui s'est fait mordre la queue par. Qui s'est fait mordre le zizi, hein, parce que voilà. C'est vraiment bisbouquette. Voilà, sa bisbouquette. Vas-y, comme ça, il s'est fait mordre la queue. On est plat. Salut, attention, bienvenue dans Radio Trash. Il s'est fait mordre la queue, le con. Non, Thibaut s'est fait mordre son zguigui, son pénis, son. Voilà, son objet phallus par un chien. Je suis sûr que le chien a dû kiffer, à mon avis. Hein. Il a vu une grosse douane, il s'est dit putain, c'est mon heure de gloire. Voilà. Sa copine, il a vu du feu. En plus, avec des petits poils roux, tu vois, au-dessus, là, comme ça. Ça brillait un peu. Donc il n'y a pas de poils. Bah dis-nous s'il y a déjà un animal. Vous êtes déjà été un animal? Moi perso je me suis déjà ramassé un coup de jus sans mauvais jeu de mots bien sûr. Par une anguille. Une anguille électrique. Si, si, si. Une anguille sous refond. Non, j'étais au Sénégal et tout, je faisais la plongée sous-marine et il y a une anguille qui est passée en dessous de moi et qui m'a balancé un coup. C'était très bizarre. Sérieux? C'est pas comme que tu travasses un coup de jus quand tu mets tes doigts dans la prise ou un truc dans le genre ou qu'il y a une ampoule qui est mal foutue. Non, c'est une sensation bizarre, comme si t'étais piqué en fait plutôt. Ah oui? Ouais, très étrange. Mais on en parlera tout à l'heure, tout de suite sur Énergie. J'ai le plaisir d'accueillir Naïma qui est là. Coucou Naïma, comment ça va? Oui, allô? Y'en est mal dans la maison! Sur Énergie! Ça va, Naïma? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Tu viens de quelle ville, Naïma? Je viens de Bruxelles. La capitale, là. Bruxelles, oui. Et ma chérie, toi, tu vas nous raconter dans quelques minutes par quoi t'as été attaquée, mais c'est quand même énorme. Ça, c'est fort. Ah oui, ça, je te le confirme. Un animal, on s'attend pas à ce qu'il nous attaque et finalement, il t'a attaqué. Non, c'est pas une mouche. On en parle dans quelques instants. Reste avec nous, Naïma. Et c'est parti parce que des messages, vous en envoyez là. Voilà. Alizé, la première à nous avoir envoyé un message ce soir sur le WhatsApp 0492 222 002, n'est-ce pas Richard? 0492 222 002. Alizé dans la maison, hello la team, merci à toi Alizé pour ce message. Il y a Romain qui est là, salut Vince, Lara l'équipe, Lara t'as des yeux de ouf. Mickaël qui est également présent là, coucou à toute la team, vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. J'ai entendu que trois de tes collègues ont dormi dans le studio, ouais exactement, je crois que ça vous a entendu ça à mon avis dans le morning, vous avez entendu ça dans toutes les émissions cet après-midi. Sérieux? Puisqu'ils sont, bah ouais. Non, tout le monde vous a balancé. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un problème. Vous c'est êtes même sur Instagram, les gars, je crois. Ils osent pas me le dire à moi qu'ils ont dormi là, parce que tu sais quoi, c'est l'interdiction de dormir. Pas, ça, ouais. Et en fait, quand je suis arrivée aujourd'hui. On a pas dormi, hein. Ouais, c'est ça. On vous a, il y a des photos et des vidéos, les gars. Mais regarde. Il y a des vidéos de vous, je crois, sur Insta, Énergie Belgique, attends, il me semble. Attends, regarde, ce qui s'est passé. On a pas le temps, vas-y. Non, juste en deux spies. Il y avait le petit déjeuner, on a mangé, etc. On est parti dans la salle qui s'appelle la Zen Room avec quelques fauteuils. Une salle de repos, oui. On s'est allongé deux minutes. Et le temps de s'allonger, il y avait Khalid. Donc le mec qui fait le 16-20. Qu'est-ce que je vous avais dit? Faut Tanguy. Pas dormir à la non, radio. On a pas dormi. C'est Thibaut, il dormait, il s'est fait sursauter. Voilà. Yes ouais. Alors que d'habitude il se fait sauter. Et Clara et Emma là sont dans la maison. Bisous à Michel aussi qui est connecté ce soir. Merci Michel pour ton message là. 0492 222 002. Bonsoir, dit quoi Vince. Bonsoir. Bonsoir la team. Salut. Merci d'accompagner nos nuits de travail. Michel est dans la maison. Sur Énergie. Big up au nouveau numéro là, 180935. Big up à Fritos et des chicons. Pardon, big up à Fritos des chicons. Ethan est connecté aussi. Vince, dans mon école, il y a une prof qui donne cours et je l'ai demain pour le dernier jour. Il y a environ 100 à 200 profs. Comment ça, il y a environ... Ah, dans ton école, il y a environ 100 à 200 profs. Putain, c'est énorme ça. C'est blindé, c'est quoi comme école? Ouais, dis-nous, c'est quoi ton école? T'es une grosse école, mon pote. Hein. Alvaro est connecté aussi. Salut Vince, salut toute la team. Ben franchement, je vais vous dire, vous méritez, vous êtes vraiment la meilleure radio. Je vous écoute tout le temps et je vous kiffe à fond. Continuez comme ça, moi je suis toujours là. Allez, bisous à vous, la famille, tout le monde. Ciao, ciao. Merci mon pote, merci Alvaro, c'est gentil. Merci à Cédo qui est connecté. Il y a Gilou aussi, il y a Titi, il y a Anil, il y a Laurent Serin. Je peux pas lire toutes les notes vocales malheureusement. Vin, je voulais parler du sujet 2, s'il te plaît. Parler d'un peu d'expérience. T'es l'année passée en Andorre, t'es très bien. Amzito, on garde ton message. Émilie, là, Vince, mon fils de 12 ans, a fait un vocal là, de la part d'Émilie. Ah bon, on y va. Salut la team, Jordan est dans la maison sur Énergie. Yeah, Jordan, merci. Hugo est connecté aussi ce soir. Yo Hugo. Ah Hugo, avec la note vocale c'est mieux hein. Ah Hugo, t'as raté tes notes vocales mon pote hein. Tania est connectée aussi ce soir là sur Énergie. Arnaud, hello la famille. Il y a Edwin aussi, il y a Nathan, il y a Trey, il y a Alex, il y a Steven Zuber, il y a quelqu'un qui m'a écrit je t'aime, merci, c'est gentil. Je t'aime. Toi qui m'a envoyé ce sympathique message. Attention, j'aime Nigel. Oh là là là là. Eh mais par contre c'est qui ça? Bah c'est une jeune demoiselle hein, très très jeune. C'est nouveau quelqu'un qui aime les bad boys. Mais voilà. Ouais mais les bad boys. Eh mais t'as pas remarqué quand ils sont petits ils aiment bien les gros, mais moi j'aime pas les petits moi. Vince, on est dans la maison. Ok, et merci là, c'est trop cool. Mathias, c'est dans la maison. Sur Énergie. Et Vince, continue comme ça, je t'adore. C'est merci mon pote. Olimar tout de suite avec Snoop Dogg, Moves. Bébé, je les connais ce soir. Give me five, la friendzone. On a des cadeaux à vous offrir, bien sûr, comme d'hab. Et n'hésitez pas, si vous voulez participer à l'émission, envoyez vos messages. 0492 222 002. Encore une fois, 0492 022 002. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down! DJ play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I'll give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. Dance in the way that you do. Yeah. And I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we groove to, oh my, come and teach me how to dance. So- dance to the rhythm of the D-O dub. G and the thug, watch how I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run your line, see what I come to find. It's your moves, baby. You did. Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. And I got that love that you ain't used to. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. It's your dance to the rhythm of the D.O. Dub. Cause I can't dance in the way that you do. In my book they say sharing is caring. But I got that love that you ain't used to. Dance to the rhythm of the D.O. Dub. And when the DJ's spinning that song that we grew to, you know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. Interagis en direct avec Vince, oui, sur Énergie avec WhatsApp. On marre dans la maison. Et comme elle dit Lara, sur Énergie. Leslie est dans la maison. Johan est dans la maison. 04 92 222 002. 0492 222 0002. Je crois que c'est très clair, les amis. Bienvenue sur Énergie. Vince de la maison. C'est ça, même 21h15. Darlan qui est connecté aussi, bon, toujours là. Bisous l'équipe actuellement en train de nous écouter en voiture. Vince, je veux faire la friend zone de Nathan. Nathan, nous sommes là pour t'aider si tu veux. On pourra, pourquoi pas t'appeler ce soir. Je vous rappelle, la friend zone, ça se passe ce soir sur Énergie. Le principe, c'est quoi? Eh ben, c'est quelqu'un qui téléphone à son petit copain ou petite copine en devenir, mais ouais, actuellement son meilleur ami ou sa meilleure amie, pour lui avouer ses sentiments. Parfois, on est dans cette zone de la meilleure amie, de la meilleure amitié, parce que on n'a pas osé aller plus loin. Oui, on accepte. On accepte. Ou parfois, tout simplement, t'es avec ton meilleur, c'est ton meilleur, t'as pas de sentiments, y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des sentiments pour son ou sa meilleure amie? Eh ben, il faut le dire. Lara, toi, tu penses qu'il faut le dire? Ah bah on est oui, bien il d'accord. Faut le dire, bien sûr. Voilà, bien sûr, faut pas garder ça au fond de soi pendant longtemps. Eh ben, nous, on vous aide à le dire. Vous passez à l'antenne, vous avouez vos sentiments à la personne avec qui vous avez une relation de meilleur ami, meilleur pote, etc. Ça marche pour les filles comme pour les garçons. Et si jamais la personne en face, ben, ressent la même chose, que parce que parfois les deux sont timides, n'osent pas se le dire. Ouais, c'est ça. Ouais. La pudeur. Voilà. Et eh ben là, c'est génial parce que là, du coup, bah, vous savez ce qui se passe. Vous voyez, il y a un couple qui se crée. Si par contre la personne n'est pas du tout intéressée, genre, mais non, mais t'es comme mon frère de cœur. Mais je vais toujours t'envoyer des cœurs bleus. Ça n'ira pas plus loin. Ouais, même si on était les deux dernières personnes sur la terre, ah, ça serait pas possible. T'es comme mon cousin, t'es comme un membre de ma famille. C'est comme si on avait le même sang. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui ça va très loin parfois. On a tous dit ça un jour. Et alors du coup, généralement la relation est foutue. Ben nous, grâce à la magie de la radio, nous on arrive et on dit, hey, mais c'était une blague, on t'a piégé sur Énergie, alors que c'est pas un piège. Mais on fait genre que c'était un canular, comme une ça, blague. L'amitié peut éventuellement continuer. Exactement. L'avantage, c'est qu'il y a cette séquence n'est pas podcastée et volontairement on ne veut pas le podcaster pour éviter. Parce qu'on sait pas comment faire. Non, on veut pas le podcaster pour éviter justement que la personne le réentende en se disant, ah mais merde, voilà. Mine de rien, ce serait galère que, ah mais attends, mais tu m'appelles pour la séquence de la friendzone. Mais en vérité, c'est que t'as vraiment des sentiments. T'imagines le jour où ça arrive, ça galère. Il y a Lucien qui est connecté quand tu dis mon prénom à l'antenne. Et quand je l'entends, j'ai l'impression que c'est une star qui dit mon nom. Bah, je suis une star, t'as su quoi? Bah attends, mais s'il te plaît. Mais... Non, je déconne. Tu avec les stars alors? Lucien est dans la maison. C'est encore mieux que t'entendre ta propre voix, Lucien. C'est ça qui est fort. Je te fais un bisou à toi. Ma fille qui a entendu son prénom à l'antenne là, ce matin. Ah ouais, on a vu ça dans ta story Instagram. Ouais, allez voir sur ma story Insta, c'est tellement mignon et tout. Il y a Tanguy qui fait le 9 midi, pardon, parce que 9 ça fait long quand même. Il fait le 9 midi, à un moment donné, il dit ouais, gros bisous Anaïs. Et là, ma fille, elle me regarde, elle fait oh ouais, la surprise quoi, alors qu'elle coanime avec moi ici le vendredi, c'est qui est drôle. Bonsoir Vince, moi, mon pire nouvel an, c'était d'être témoin de. Ah, oh, on en parlera tout à l'heure. Il y a Isor qui est connecté aussi, il y a André que je salue, il y a PNO, Natsu qui est connecté aussi, là, Natsu qui était méga motivé hier dans l'émission. Hein. Et ben franchement, ça fait plaisir. Merci pour tous ces messages que vous envoyez. On récupère Naïma parce que ce soir, les amis, on parle de nos mésaventures avec des animaux. Balance ton animal au lieu de balance ton porc. Avant de parler avec Naïma, Lara, est-ce que toi, t'as déjà eu une altercation avec un animal alors que t'as déjà été victime d'un animal? À part mon ex, non. Ah bah oui, ok. Je suis sûr qu'en plus, elle le pense vraiment. C'est drôle. Et toi, Nigel? Ouais, avec une grosse méduse. Ah, les méduses, mais genre, mais, non, mais frère, genre, elle m'a déglingué de ma cheville jusqu'à mon téton. Ah, elle avait le long fil. Hein. Quoi? Ouais, elle avait genre de long fil. Elle a le fil long, quoi. Eh, du coup, c'est comme si j'avais des traces de tub sur tout mon corps. Oh. Non, mais c'était incroyable. Hein. T'as mis le tatouage. Et du coup, j'ai dû me faire pisser dessus par une meuf. Non, c'était dégueulasse. Hein. Et tu l'as vu et tout faire ça, mais attends, mais c'est horrible. Ouais, c'était dégueu. T'es en train d'exagérer. Ouais. Non, c'est vrai, mais frère, c'est le processus. Là, je pensais que t'es le seul gars qui a dû se faire pisser dessus. Moi, c'est mon père qui m'a pissé dessus. Sur 5 personnes ici présentes, il y a quand même 2 qui se sont fait. Voilà, exactement. Golden Shower, Donald Trump. Hey, c'est une arête. Non, je te jure. Mais non, et en plus, le pire, c'est que j'ai choisi une petite mamie, tu vois. Parce qu'il paraît que toi, t'as choisi quelqu'un, quoi. Imagine ce qu'il y avait dans la piste. Ah bon, mon père, il a pas réfléchi. Mais ouais, on était sur le côté. Il m'a dit, bon, tu bouges pas. Allez, hop, là, voilà, mets ta plaie, etc. Et alors qu'en fait. Ouais. T'as quand même déjà vu la teub de ton père, non? C'est un pot, quoi. Tu veux, Ouais, d'ailleurs, je l'ai dépassé entre temps. Mais je vois pas le rapport. Hein. Mais ça te permet d'établir plus ou moins, tu vois, une jauge. J'ai pu te dire plus tard, mais bah tiens. C'est pas mon père. Voilà, mais. Soit, on s'en fout, c'est un truc. C'est qu'effectivement, la méduse, c'est vraiment galère. Sinon, moi, j'ai mis le pied sur des oursins. Hey. Horrible. Ah, ça, c'est incroyable. Ça. Et alors, Naïma va nous raconter son truc et puis je vais rebondir là-dessus après. Naïma, est-ce que tu es toujours avec nous? Je suis toujours là. Super. Naïma qui vient de BX, là. Et Naïma, toi, qu'est-ce qui a tenté de t'attaquer comme animal? Bah écoute, c'est difficile à croire, mais en tout cas, je me suis fait attaquer par un mouton. Pourquoi que c'est pas vous qui l'attaquez? C'est trop fort parce que quand Naïma a dit je me suis fait attaquer par un mouton, t'as l'arrêt qui a fait ah, en rigolant. Un mouton. Mais en fait, il t'a chargé dessus, quoi. Exactement. En fait, le mouton, il charge. Très long... Oui, oui, chargé. Celui-là était spécialement chargé. Et je devais avoir dans les 8-9 ans. On était donc au Maroc, chez mes grands-parents. Il faut savoir que mes grands-parents habitent un petit village un peu dans les montagnes. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et mon grand-père avait un troupeau de moutons. Et spécialement celui dont je vais parler, il le gardait à l'intérieur attaché parce qu'il était très méchant. Donc il attaquait les moutons, les brebis. En fait, c'était vraiment, on aurait dit un chien. Un kamikaze. Je te promets, c'était, il était plus un chien qu'un mouton. Et ce jour-là, on était chez mon grand-père, et le mouton était attaché. Donc, ma grande sœur et moi, on se faisait mettre un petit peu des nez sur les mains, parce que bon, c'était l'occasion de faire ça. Et on était Et à un moment donné, donc le mouton était attaché. Nous, on n'avait vraiment pas du tout peur, parce que bon, on voyait qu'il était bien attaché comme il fallait. Et bon, on est en train de se faire sécher les mains sur un brasier. À un moment donné, donc mon grand-père, il dit comme ça tout haut, il dit voilà, j'arrive, je pars, je reviens. Donc nous, on s'inquiète pas, ma grande sœur et moi, parce qu'on était dans le petit salon. À un moment donné, on entend un bruit, on se retourne, et bien le mouton, mon grand-père l'avait détaché, et il avait oublié de le rattacher, et au moment où on entend ce bruit, on se retourne, et le mouton commence à frotter son sabot, là, sa patte. Ah ouais, sur le sol, comme ça. Non, arrête, comme un taureau. Exactement comme un taureau. À un moment donné, donc il baisse la tête et il commence à courir. Il rentre dans la pièce où on était. Mais non, je te promets. Il vous l'a mise. Il tape. Comment? Non, il vous l'a mise. Laisse tomber. Attends. Bah, fais gaffe à Nigel. Fais gaffe à Nigel. 21h21 d'ailleurs. Moi, évidemment, bah, le temps qu'il aille poser derrière ma soeur dans la pièce, moi je suis sortie. Il m'a suivie. Je suis certaine que si on m'avait chronométré ce jour-là, j'aurais battu le record du monde. J'ai commencé à courir, à hurler. Je me retourne, ce mouton qui commence à me courir derrière. Je pense que j'ai bien couru 3-4 minutes. À un moment donné, je me retourne, il n'était plus là. Je vois trop. J'étais perdue dans le village. Je vois trop la scène. Il est où? Puis un coup, tu sautes ta tête et le mouton, il est là devant toi. Salut. Donc, ça a pleuré et tout. Donc, j'ai un petit peu erré. Bon, heureusement, on nous connaissait dans le village. Donc, on m'a ramené chez ma grand-mère. Mais quelle histoire. Mes grands-parents étaient séparés. Et bon, mon grand-père est arrivé le matin en m'expliquant bon, qu'on lui a dit ce qui s'était passé et que d'ailleurs, on était invité à midi parce qu'il avait sacrifié le mouton. Parce que c'était l'Aïd. Et voilà, c'est l'Aïd. Allez, on l'a zigouillé. Mais c'est parce qu'il savait qu'il allait mourir. Bah ouais, c'est ça, en fait. C'est un gilet jaune. Ouais. Gilet jaune. Une joie de manger un bon méchoui et je salivais à manger sa viande parce qu'il m'avait vraiment fait peur. Ah, t'es immonde. Oh, le pauvre. Ouais, en fait, c'est ça, il voulait survivre. Ah, oui. Bon, survive. Ah, bah, non. Non, ah ouais. Il n'a pas survécu. Non, mais voilà, ça, c'est. Ah, putain, le pauvre. Tu sais quoi, c'est drôle parce que tu me fais penser à un truc en parlant de chargé. Moi, j'ai vécu un truc, mais laisse tomber. C'était au Sénégal. T'sais, Sénégal, c'est toujours au bled qui t'arrive des trucs de ouf, tu vois. Exactement. Ouais, c'est vrai. Voilà, t'es dans la réalité du ouais, game, tu vois. Donc, du coup, ouais, tu vis avec les animaux. Il y a des vrais animaux, quoi. Je vais en Casamance pour la première fois de ma vie. Casamance, c'est au sud du Sénégal. Là-bas, c'est la piste, tu vois, pour atteindre la Casamance. C'est super long, etc. C'est magnifique, les noms de villes là-bas. C'est Kafountine, j'étais moi. Waouh. Pas loin de Ziguinchor. Mais Ziguinchor, voilà. Osgore, Casamance, c'est magnifique. Exactement. Donc j'étais là-bas dans un petit village et tout, tranquille. Et je suis resté là-bas pendant un mois. C'était très sympa. On n'avait pas d'électricité. On avait de l'eau. Voilà, vraiment, tu sais, le bled, quoi. Et c'était un kiff de vivre ça. Et moi, j'avais ce délire de quitter l'endroit du village et aller jusqu'à la mer. Ouais. Sauf que je devais traverser la jungle. Et à un moment donné. La vraie jungle. Oui, enfin, une jungle. Les palétuviers. Enfin, les palétuviers, comment je peux comparer ça Comme des une forêt, quoi. Une forêt, mais avec de l'eau qui passe à pas mal d'endroits. Un peu des genres de marées. Et tout d'un coup, je me retrouve sur un chemin. Et qu'est-ce que je vois au fond du chemin? Il y a un taureau. No way. Un taureau. C'est le cousin du mouton. Cousin très éloigné, en plus baraqué, avec plus de testostérone. Oh my god. Je vois le taureau de loin et c'était pas une vache, c'était un taureau. C'était un Red Bull. Mais vraiment massif et tout ça. Putain, je dis, on est au bled, le mec, il est baraqué comme tout là. Il est tout seul. Et je vois. Et si ce taureau, il était là. Il était là. Non, mais c'était une piste. Il y avait une piste et tout ça. Alors, du coup, moi, sur le coup, je me dis, what the fuck, c'est un taureau, tu sais, moi, je pète de rire. Et comme un coup, je suis avec ma meuf et j'essaie de me rapprocher. Elle fait non, on se rapproche pas. Mais je fais, mais c'est bon, je veux dire, j'avais l'habitude du Sénégal, des animaux qui se baladent comme ça dans la street zère, tu vois, dans la live, dans le truc, c'est normal. Et donc, du coup, je me rapproche de ce taureau qui avait quand même une corde autour de lui. Il n'était pas attaché, mais il avait une corde. Donc, je me dis, c'est bon, c'est un taureau qui. Apprivoisé, quoi, ouais, genre. Voilà, je me rapproche, il se retourne et il fait. Non. Le bruit était strident. Sur le coup, je me suis dit. Oh, ok, je bouge plus. Je te jure, je bouge plus. Je bouge plus. Et là, je me dis dans ma tête, j'ai la phrase d'Alan Grant qui vient dans Jurassic Park. Ne bouge pas, sa vision est basée sur le mouvement. Ah ouais. Donc, mais toi aussi, toi, tu vois un taureau et t'as un t-shirt rouge. Non, j'avais pas un t-shirt rouge. À ce moment-là, j'étais torse nu, je crois. Vraiment, j'étais torse nu, il faisait chaud. Ouais, mais ça va énerver. Mais attendez. Parce qu'il a commencé à taper sa patte sur le sol. Non. Une fois. Deux fois, à secouer la tête n'importe dans tous les sens. Mais pas qu'un, je te jure, à ce moment-là, je flippe ma meuf, je me retourne, elle était déjà en train de courir. Et regarde la situation. Donc elle a couru, moi je bougeais pas, il chargeait juste, enfin il tapait sa patte sur le sol. Je me retourne, ma meuf elle fait « elle s'en court. Je me retourne, l'instant où je regarde le taureau, il est en train de courir vers moi. Parce que comme elle a fui, et ben du coup le taureau s'est dit c'est bon, j'ai pris la confiance, j'ai pris la gogo, je cours. Je te jure, on a couru et elle courait le long du chemin et je fais mais non, pas le long du chemin. Il a toute la place. Allons dans la jungle. Faut faire des zigzags quoi. Je te jure, on a été dans la... Non, parce que dans la jungle, il nous a pas suivi, il s'est arrêté tout de suite, il y a trop d'arbres et tout, c'était pas possible. Et le flip, je me suis dit mais là, je pouvais mourir là, on n'allait pas me retrouver, tu vois. Et à ce moment-là, tu as l'impression que tu courais vraiment à une vitesse incroyable. Ah si, tu voles. Je te jure, j'ai jamais couru comme ça, on a tracé comme des ouf, vraiment. Sérieux ? Mais vraiment, c'est c'est inimaginable la vitesse avec laquelle on court. Naïma, instinct de survie en fait, hein. Instinct de survie sur le coup. Tout à fait. C'est dingue. Mais en tout cas, ce taureau, j'aurais bien voulu le manger, mais bon, malheureusement. Ouais, bah avec voilà, bon appétit. Naïma, on te fait un gros bisou, à bientôt. Hein. Moi aussi, bisous à tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir. Vince, un crabe m'a chopé le gros orteil un jour où je jouais dans la mer du Nord pendant une dizaine de secondes. J'étais comme un cou à donner des coups. Ah oui, j'étais comme un con à donner des coups de pied dans le vent pour le faire lâcher. Ah ouais, elle est accrochée, l'horreur. De ouf, petit message de Mathias là. Hey. Alors, Nigel, le casse-couille, mais stylé. Vince, le gars cool, relax. Et puis, il y a Lara, la meuf super canon et toujours aussi cool. Oh, c'est cool ça. Mais c'est hors contexte, on est dans le sujet là. C'est hors contexte, j'aime hors contexte les compliments. C'est vrai, t'as raison, ça peut toujours arriver comme ça. Myson qui est connecté en hello, on vous adore, continuez comme ça. Vince, quand j'étais petit, il y a un poussin qui me courait après, j'avais peur des poussins, et j'ai pris un caillou, je l'ai tué, je suis dégoûté. Ah, il a raison. Oh putain, je trouve. Les poussins, frère. Mais c'est un poussin. Ah ouais, non, tu sais par quoi j'étais attaqué, par contre, j'ai donné une reprise de volée. Sérieux ? Reprise de volée à la Zidane contre Leverkusen en 2001 pour reprise de volée de Cristiano Ronaldo, je te jure. Un frelon ? Non, j'étais avec ma fille, je me balais dans le parc. Et dans ce parc-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une oie qui a pourchassé ma fille. Ah, mais c'est hyper méchant, les oies. Et l'oie a commencé à donner des coups de bec au niveau de ma fille qui s'encourait. J'ai attrapé ma fille. L'oie. Tu l'as shoté ou quoi ? Je gueule. Et l'oie m'attaque. Elle m'a attaqué. Mais oui, elle m'a pincé, mais de manière méchante. Alors moi, instinct de survie, protège mon enfant. Tu l'as shoté. Je lui ai fait une reprise de volée, elle s'est envolée. What ? Elle s'est envolée, mais ça vole pas les oies visiblement. Hein, parce qu'elle s'est retrouvée à 3 mètres de haut. Mais elle est retombée nette, tu vois. Et puis elle s'est enfouie. Alors je suis désolé, j'ai pris par la suite, j'ai compris que cette oie, à mon avis, on se rapprochait d'un nid ou un truc dans le genre, et qu'elle protégeait son nid. Mais moi, j'ai protégé mon nid aussi. Tu sais. Alors désolé, voilà. Et les signes aussi. Darwin, je suis au-dessus d'elle, tu vois. Non, je suis plus fort, donc voilà. Moi, si j'avais vu ça, j'aurais chanté juste waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Allez, vos réactions, on en parle tout de suite. François pour le bébé, je les connais, c'est tout de suite. D'abord, voici Shawn Mendes. Je me sens vraiment désolé pour cette oie, vraiment. Ouais. Mais bon. C'était toi. Touche pas ma fille, c'était moi ou elle. C'était toi ou elle. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. The tension, we could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. La voix pétée. Shawn Mendes avec Z, c'était Lost in Japan. Tu peux rater l'émission une fois, ah ouais. Ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais. Pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Vince est dans la. Maison! Et c'est ça qui est cool les amis. Alors, hey, message vidéo de Darlan. Elle est en voiture, elle nous a envoyé une vidéo là carrément, on m'appelait là. Alors un grand merci à l'équipe. Heureusement que vous êtes là parce que je me tape 2h30 de route par jour. Alors, je vois qu'elle se filme en selfie en voiture parce que je vois le paysage défiler derrière. Ah oui. Attention Darlan. Mais bon, non, c'est un fond vert. Ouais, c'est ça. Ouais, grave. C'est Final Cut, c'est Adobe Premiere. C'est Spielberg. Il est passé par là. Je remets play. Donc on écoute son message. Merci à l'équipe. Heureusement que vous êtes là parce que je me tape 2h30 de route par jour. Et je vous prie de croire que heureusement que vous êtes là parce que vous êtes la seule radio qui capte sur ma radio, sur ma voiture. Donc, c'est bon ça. Heureusement que vous êtes là parce que je sais pas comment vous faites parce que je fais la route tous les jours. Je bug, voilà. Et 2h30 tous les jours, c'est chaud. Ouais. Ah ouais. Nigel, t'inquiète, un jour il y aura une plus grande fille qui t'aimera. Hein. Je sais pas si t'as déjà quelqu'un, mais t'inquiète. Il y a des plus grandes filles qui te diront je t'aime. Mais toi peut-être. Bon allez, gros bisous l'équipe. Au revoir. Continuez ce que vous faites. Vous êtes très bien. Même en tant que française, je vous kiffe. Oh, c'est gentil. Yeah. Franchement, ça fait plaisir ce genre de message. C'est vraiment cool de ta part. Et je crois que tu travailles au Luxembourg en plus, il me semble, hein, ou t'es pas loin de là. Effectivement, allez, on arrive dans quelques instants sur Énergie. Ne bougez pas, on va accueillir François dans quelques secondes pour le bébé. J'ai déconné ce soir. Gros programme, Yves Mofaï, Friendzone qui arrive. On va parler du Nouvel An. C'est quoi vos pires ou meilleures expériences vécues au Nouvel An? Et puis, ces histoires d'animaux là. Est-ce que vous avez déjà été attaqué par un animal? Lequel? Comment? Racontez-nous tout sur WhatsApp 0492 222 002. Vince, 21h minuit sur Énergie. Chaque matin, vous vous réveillez avec énergie. C'est le 6-9. Dominique Lehmann. La star des voyants. Le voyant de star. Le voyant de star. Salut Tiffany. Salut, c'est Tiffany. Je vais tirer vos cartes. En fait, non, c'est pas l'instant, c'est... La voyant des fifous, la fifou des voyants. Le 6-9 sur Énergie, demain, dès 6h. Je me lève un peu fracas, j'ai le sommeil qui perdure. J'ai trop de choses qui me tracassent, j'ai trop de choses qui me perturbent. J'ai tellement de bails à faire, j'ai peur de les laisser tomber. Le temps d'avoir les idées claires, la nuit vient de tomber. Je vais tout remettre à demain, tout remettre à demain. Ce soir c'est mort, tant pis je sors, je n'ai plus qu'à me dire à demain. Le réveil sera le même entre la flemme et la folie. La virgule sous la semelle m'emmènera voir les homies. On va finir encore chez Blaise, dès le matin à avoir des fécas au lieu d'aller bosser. Mais c'est ça, va taper le ping-pong sur la bleuta. La fois qu'on ira peut-être, peut-être qu'on ira demain. Quand je vois les potes arriver preliquer 2-3 packs de vin. La journée s'annonce superflue, branleur en est la vertu. Buvant quelques fûts, suivant l'habitude. La journée s'annonce superflue, à 2 grammes j'ai pris de l'attitude. Mais j'ai la certitude, aujourd'hui j'arrête les études. J'avoue on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours. Ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. C'est pas une journée de peur. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours. Ça aurait fait plaisir à ma mère. Mais je préfère le cas, c'est la vodka. Les répètes qui se passent à l'avocat. Mais qu'est-ce que je branle quand je rappelle la prod par. Qu'est-ce que je branlais sur les bancs de la fac. Qu'est-ce que je branlais dans ma vie avant d'arriver à ce jour. J'ai tellement changé depuis. Je vois plus la suite en contre-jour. Prise de conscience en pleine gueule. Maintenant je sais comment m'occuper avant le cercle. C'est pas une journée de peur. Mais j'avoue, on aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma journée de paix. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours. Ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider, Vince. Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince est sur Énergie. J'aime Nigel, c'est mon meilleur ami. Et c'est même mon amoureux. Ah bah, j'ai quelques petites gamines qui adorent Nigel. Nigel est choqué. Il a fait de ses yeux, genre. Oh. Et ben, Noémie, 12 ans, je précise, Noémie. Bah, postule, hein. Voilà, peut-être mais que non, Nigel. Mais attends, c'est pas du tout possible. Regarde Nigel, c'est le prototype possible. Du mec méchant. Mais comment ça se fait? C'est parce que les jeunes demoiselles adorent les mecs, mais bad boys, tu vois. Ouais, je vais grave lui brûler des mégots de cigarettes sur la cuisse. Non, mais toi, tu fumes déjà, toi. Et c'est trop fort parce que Nigel, il est vachement soutenu par une tranche d'âge jeune. C'est bien, Nigel. C'est vrai mais c'est fort. C'est cool, hein, vraiment. Voilà. Ils aiment bien les tucs dans ton genre. Bisous à Kélan qui est connecté. Bisous, Noémie, d'ailleurs, de l'école de Saint-Hubert. Vince, un ami à mon frère, s'est fait manger trois doigts devant nous. Quoi? Attends, faut qu'on t'appelle Kenan, faut que tu nous expliques par qui, par quoi. Et d'ailleurs, un jour, j'étais dans un aquarium et il y a un mec qui met ses doigts. T'étais dans un aquarium? Dans un magasin de poissons. Dans une voiture. Grave. Non, j'étais dans un endroit où on vendait des aquariums et il y avait des piranhas. Je n'ignorais que des piranhas pouvaient être vendus. Ah oui? T'as mis ta main? Le mec, je vois des piranhas et on reste là et le mec il fait, ça fait rien, vous savez. Et il met sa main. Et on fait, vous êtes fous! C'est le mec qui travaille là-bas. Non, il gardait sa main, il jouait avec les piranhas. En fait, les piranhas ne mordent pas quand ils n'ont pas faim. Dès qu'ils sont affamés. C'est une blague. Et en fait, c'est pas comme dans les films où les piranhas ils terminent ta main ou ils terminent le steak en 30 secondes. C'est des conneries en fait. Non, c'est juste non, il mordit, tu vois. Il mordit et à un moment donné, ouais, ils arrivent à arracher la chair. Non, en fait, tu peux pas dire ça. Dès qu'il y a du sens, c'est piranha. Le truc, c'est qu'il y a des piranhas qui sont agressifs, mais ils te finissent pas en 30 secondes. C'est des conneries. Ceux de la rivière en Australie, ouais, frère. Mais non, c'est parce qu'ils sont très, très, très, très, très nombreux. Bah, donc ils te finissent en 30 secondes. Les gars, c'est rare de se retrouver dans un endroit où effectivement t'as peut-être 500 piranhas qui sont en train de te bouffer en même temps. Évidemment. C'est pour ça. Tu vas dire, ils étaient en train de mordiller. Sauf quand tu débarques à Paname, quoi. Oui. Vince, nous quand on était plus jeunes, on a un peu la même histoire. On était parti en moto avec un pote, avec une dirt, et on est arrivé en plein milieu d'un chemin de champ et là on voit quoi, deux vaches en face de nous. Ils ont commencé à nous charger. J'ai jamais fait demi-tour aussi vite. D'ailleurs, j'espère qu'ils m'écoutent là ce soir. Ils écoutent souvent Énergie la nuit quand ils taffent. Allez, la bonne, l'ami. Merci mon pote, c'est gentil ça. Salut. Julien qui dit, perso j'ai 14 ans et j'apprécie pas vraiment Nigel. Bon après faut le comprendre, il est seul, il rejette sa tristesse sur nous. quand t'as 14 ans t'es con, donc tranquille. Alors, c'est pas vrai ça. Vin, je me suis fait pourchasser par mon cheval parce qu'il était jaloux de mon chien. Oh putain. Quoi? C'est bizarre ça. Non mais quoi, c'est tout à fait possible. Message de Mac aussi. Hey, Nigel, sois comme les piranhas dans les films. Attends. Hey, Nigel, tu veux pas redevenir un peu plus méchant comme avant là? Parce que je sais pas gros, t'es là, t'es devenu un peu mou avec les gens là, ouais. T'es devenu prévisible. Là tu vas me dire ta gueule par exemple. Non. Tu vois? Ta gueule. Non. Redeviens un peu le gentil mais méchant Nigel là. Non. Ça me manque. Ta gueule. Mais il est fatigué. On a François qui est là. Ouais, il a pas beaucoup dormi, Nigel. Ça y est, j'ai changé. C'est parti. Ce soir, je vais tous vous terminer. Vous allez voir. Allez, ça y est, ça la vénère là. Allez. Attention, Nigel Le Thug est de retour, mesdames et messieurs. C'est parti. François est là aussi. Bonsoir, François. François est dans la maison. François, bienvenue à toi sur Énergie. Est-ce que tu es prêt pour faire une blague à ta chère et tendre ce soir? Ouais, je vais essayer. Elle s'appelle Ornella, donc. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Un an et 7 mois. Félicitations. Ah non, 7 mois, bien calculé, parfait. Elle compte bien. Et donc, du coup, tu vas aller faire quoi comme blague à Ornella? Bah du coup je vais tromper avec mon ex vu qu'elle vient à la salle là où je vais quoi. Ah oui, il a réduit d'entrée de jeu. Encore une histoire de salle de sport. Et bam, ouais, parce qu'on a eu le TTFX hier. Attends, donc tu vas à la salle et ton ex va à la même salle que toi. Exactement. Ça fout la merde. Mais sérieux, et genre elle la connaît ou pas ton ex? Ah bah de vue, mais je veux dire elles se sont jamais parlé. Ok, rien du tout, elle a jamais entendu sa voix ou quoi que ce soit. On a juste elle s'appelle comment ton ex? Allez, dis-le. Ophélie, allez! Et attends, mais tu la kennes encore ou pas du coup? Bah, non, t'es ouf! qui Ornella ou Ophélie? Mais les deux! Est-ce que Ophélie, elle essaye un petit peu de récupérer son pas perdu ou pas? Non, enfin, je vois qu'elle est encore un peu genre amoureuse, mais c'est toi qui l'as quitté? Ouais, c'est moi, ouais. Ah, bah oui, bah alors du coup, il y aura toujours un petit peu ce petit accrochage. Ça se fait tellement pas. Et donc là, le mec, il est à la salle de sport, il y a son ex qui le cherche encore un petit peu là-bas. Parce que normalement, tu dois changer de salle de sport. Moi, je revois mon ex dans une salle de sport. Non, moi, je vais, bonjour, je vous dois combien pour l'abonnement? Je souhaite le résilier tout de suite, merci, ça bonsoir. Sera 465 euros. Voilà, ouais, non, moi, je me suis dit, j'ai pas envie de commencer à m'entraîner, tomber sur mon ex, ça va me saouler, ça va être relou. Ça dépend, tu vas pas aux mêmes horaires. Ouais. Je pense que, non, mais ça t'en sais rien, tu peux toujours. Alors, du coup, à chaque fois que je m'entraîner, je vais toujours devoir pressentir que je vais tomber sur elle. Et le problème, c'est qu'alors, du coup, comme par hasard, tu sais pas comment ça s'est fini, mais elle va faire exprès de demander à des mecs bien baraqués, genre, ouais, pouvez me montrer cet exercice-là. Ça devient du truc relou, tu vois. Tu serais jaloux ? Mais non, c'est pas de la jalousie, c'est genre pour essayer de faire remarquer des choses. Mais alors c'est souvent. Mais ça dépend. Quand si c'est une ex il y a 10 ans, tu t'en fous. Si c'est une ex il y a 5-6 ans, tu t'en fous. Mais si c'est une ex récente, là, c'est relou, tu vois. Ouais, mais non, mais si à ton ex à la salle de sport, tu t'entraînes deux fois plus fort, comme ça, tu lui montres vraiment que t'es devenu quelqu'un de ouf, quoi. Genre, t'as vu, je suis baraqué et tout. Ouais, c'est ça le but, non ? Et quand tu la vois, tu lui dis. Quand tu passes à côté. Camilla Cabello avec Consequences, tout de suite le bébé, je les connais, premier prank de la soirée. N'hésitez pas pour vos messages, on arrive tout de suite. Tissues, trust issues, glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed, little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding, lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can't listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Tellement beau. Bienvenue sur Energy. Yeah. Votre soirée démarre dès 21h sur Energy avec Vince. Et hey, bienvenue sur Énergie, Vince, grosse casse dédiée au frérot de Liège. Là, c'est Jean-Paul qui écrit ce message. Il y a Richard qui me dit salut Vince, écoute mon message vocal, s'il te plaît, c'est super important. La famille, avec Heather, on fait un compte spécial fan de Vince sur WhatsApp. Nous avons préparé un numéro spécial pour créer ce compte. Ce numéro est le 0. Attends, tu vas pas m'avoir deux fois, Richard. Alors, les amis, si vous venez d'arriver sur Énergie, déjà, soyez les bienvenus. Je m'appelle Vince. On est là ensemble du lundi au vendredi, de 21h jusqu'à minuit. J'espère que vous êtes bientôt toutes et tous déjà en vacances. Pour ceux qui travaillent, qui nous écoutent, les routiers, les taximans, courage, les amis, on est là avec vous pour accompagner tous ceux qui travaillent la nuit. Vous savez très bien, c'est votre émission ici. Vous passez quand vous voulez. On est là pour vous divertir, passer, penser, vous faire penser à autre chose. C'est pour ça qu'on est là, hein, juste pour les routiers. Et Richard, en grosse partie, et Richard, en fait, il me dit qu'il a créé un nouveau numéro. Richard, c'est un auditeur très fidèle. Il a créé un groupe. Quel âge a-t-il ? Alors, Richard, je sais pas, je crois qu'il doit avoir 13 ans, je pense. Ouais. T'as 13 ans, tu t'appelles Richard, oui. Bah, pourquoi pas. Putain, quelle honte, frère. T'as 42 ans, tu t'appelles Nigel. Tu sais qu'à un moment donné, Richard, la voix d'énergie, par exemple, il s'appelle Richard. 0492-222-002. Lui aussi, il était jeune à un moment donné. C'est pas un 2000, quoi. Ouais, voilà, c'est pas un 2000, ouais. D'accord, bah, ça peut revenir. Hein. Et donc, du coup, Richard a 13 ans, voilà. Vince a un numéro spécial, c'est pas le nôtre. Alors, je vais voir si je peux vous croire, oui. Oui, effectivement, je peux les croire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont créé un groupe dans lequel je vois Isor qui parle, il y a Richard qui parle, donc c'est sur WhatsApp. Hein. Ils ont créé un groupe ensemble dans lequel ils m'ont mis, on était trois. Et là, il y a un autre numéro, visiblement. Alors, je vais écouter le début du numéro. 485. Non ! 15. Ouais, non, même pas. Mais en fait, si. Mais non. Je t'explique, c'est un numéro. Franchement, le numéro, il appartient à personne. Mais c'est pas une question de numéro, c'est une question de groupe. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de rajouter leurs amis autant qu'ils veulent dans le groupe. Mais s'ils le donnent à l'antenne, n'importe qui va pouvoir entrer dans ce groupe-là. Mais ouais. Non, ils vont être en contact avec le numéro de téléphone. Mais sauf que le gars ou la meuf qu'ils vont ajouter, elle a peut-être 45 ans. T'as raison. C'est même pas ça, juste les gens, ils ont juste besoin d'avoir ton numéro à toi, tu vois, le reste, on s'en bat les couilles. C'est des mineurs. T'as raison, c'est vrai. Richard, le truc, c'est que c'est vrai, moi, j'ai tellement content, je me dis, putain, on pourrait faire un petit groupe, voilà. Tu vois, ensemble. On peut pas, nous, de base, parce qu'on a envie d'éviter que vous ayez des problèmes. Maintenant, Vince, le but, c'est qu'il y ait plein de fans de Vince. Oui, je sais. Non, mais. Je sais, complètement Isor. Mais c'est à lui. Par exemple, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est que si lui, il a créé un groupe, mais qu'il invite tous ses potes et un maximum de monde qu'il connaît à rejoindre ce groupe, c'est sa responsabilité. Et à la limite, on peut même faire un concours de celui qui fait le plus grand groupe. Voilà, exactement. Hey, un groupe où vous rajoutez vos potes, mais attention, l'idée n'est pas de rajouter des gens que vous connaissez pas, des gens avec qui vous parlez pas, que vous connaissez, qui écoutent l'émission aussi, avec lesquels vous allez pouvoir interagir vos ensemble. Amis, quoi. Voilà, c'est-à-dire que vous, on vous empêche pas de créer des groupes, mais alors ajouter des gens que vous connaissez. Nous, on peut pas, et c'est tellement gentil, Richard. T'as pas idée à quel point il y a plein de fans là, ils sont motivés, ils veulent absolument faire des trucs et tout. Vince, le but, c'est de faire connaissance. Ah oui, je suis totalement d'accord avec vous. Justement, faire connaissance, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Voilà, les gens veulent faire connaissance. Ça peut aller loin. Alors moi, du coup, je préfère qu'on mette de temps en temps des posts Instagram sur lesquels vous faites connaissance, mais via des logins où il y a une protection. Bah, où c'est votre responsabilité. Voilà, c'est ça, parce que ça ne nous applique pas. Parce qu'on veut éviter que vous ayez des problèmes. Vraiment, la radio, on parle à plein de gens, et comme j'arrête pas de le dire, nos éditeurs, je les trouve super bienveillants, ils sont vraiment gentils et tout. Mais on ne sait pas, t'as peut-être un gars, il connaît pas l'émission, il est en train de nous écouter maintenant, il est tombé sur nous là. Ouais. Il va prendre votre numéro de téléphone. Il va faire le nouveau challenge là. Et voilà, exactement. Alors Vince crée un groupe fermé sur Facebook. Mais on a la page Vince, quoi. La page Vince, elle a 323 000 fans. Faites connaissance. Voilà, vous pouvez taper. Non mais vous mettez en commentaire, vous discutez en commentaire. Oui. Vous discutez en commentaire des publications que je mets sur Instagram. C'est un très bon moyen aussi. Hein. Oui, voilà. Et après, du coup, vous pouvez vous parler en privé et tout ça. Isor, j'ai pas Facebook, il y a Instagram, ma chérie. Je crois, je suis sûr que t'as Instagram. Ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me dit, Damien? C'est ça, quoi. Il faut se méfier de tout le monde. Moi, Nadjol, je lui ferais pas 100% confiance. On sait pas ce qui se cache derrière sa tête. Vince, on sait pas ce qui se cache dans ton cul, connard. Alors, on me dit Vince, ou alors il fait un groupe qu'avec des mineurs. Faire attention. Oui, mais comment je peux vérifier? Je peux pas le vérifier, c'est le numéro de téléphone. Mais vraiment, je te jure, j'ai envie de vous faire plaisir. Hein. Et non, parce qu'il y a pas que. Non, mais il y a pas que. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont créé des groupes en disant, ouais, est-ce que tu peux donner ton numéro à l'antenne pour que les gens viennent dans le groupe? Moi, je vous invite plus vous à créer un groupe avec des potes que vous connaissez, qui écoutent aussi déjà l'émission. Et que vous nous rajoutez dans ce groupe. Voilà, et puis vous nous rajoutez dedans. Nous, on lit vos messages, vos conversations entre vous, c'est drôle. Et en même temps, vous pouvez contacter des personnes de votre entourage en disant tiens, écoute, le soir il se passe une émission, viens dans le groupe en même temps, tape la causette et voilà. Mais en tout cas, par exemple, Richard et Isor, bah, vous êtes déjà dedans. Vince, on est trois à vous écouter, bah, c'est super. C'est trop gay. Et merci d'être là dans ce groupe. Et puis n'hésitez pas, faites-les, mais de manière séparée. On veut vraiment vous éviter des petits soucis. Comme ça, vous savez de quoi il en retourne. En attendant, j'avais promis le bébé, j'ai déconné. Je pensais pas qu'on avait parlé aussi longtemps de ça là maintenant. Donc du coup, on va se faire MC Fioti là avec J Balvin. Est-ce que t'es toujours prêt, ready, François? T'as toujours l'occasion de faire marche arrière si tu veux hein, pour ton bébé, j'ai déconné. Hein. Non, t'inquiète. Par contre, j'ai oublié de rajouter. Je vais aussi essayer de lui faire croire genre que je veux un nouvel an, genre avec elle, toujours. Enfin, pas avec mon ex. Avec ton ex. Allez, ouais, bah, carrément. Wow. C'est genre tu la quittes quoi. C'est... Le pauvre Richard MDV, j'ai acheté une carte SIM pour rien. Mais chacun sa merde. Mais on lui a jamais dit de faire ça. Ouais. Ah, Richard. En plus, on en a parlé hier. Ouais, c'est ça. Mais il voulait plus, faire bien. Vois, le truc, c'est que la Vince, il va culpabiliser pour de la merde. Vas-y, on te la rembourse. C'est pas de la merde, c'est pas de la merde. Ça me fait mal. Vince, je dois y aller. Bisous. Vince, c'est dans la maison sur l'énergie. Nolan, t'es déjà parti, Nolan. Qu'est-ce qui se passe? Tania, Vince, on vous prouve votre âge avec notre carte d'identité photo. Oui, mais rien ne t'empêche d'aller photographier la carte d'identité de quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin. C'est un débat qui n'a ni queue ni tête, ni qui vaut mère. Il est dans la bulle, lui, Geoffrey. Que fait un zoophile avant un concours de saut en longueur? Il prend son élan. Il prend son élan. Ouais, je le savais. Allez, Véronica dans la maison. Ouais, t'as vu ça, je suis devenu voyant, moi. MC Fioti, J Balvin, Steph London et Future, ça s'appelle Boom Boom Tam Tam, c'était l'année dernière et ça cartonne toujours autant. Ouais. Pa' bailar soy presidente. Estoy tan pegado que no salgo de tu mente. Quieren apagarme y yo no tengo frente. Pa' bailar no existe pena. Este funky se candela. De aquí nadie va pa' afuera. Esto lo bailan en la favela. Izquierda, derecha. Pa' arriba, pa' abajo. Izquierda, derecha. Rompiendo. La flota envolvente que mexica a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum. Esse bumbum. Esse bumbum bum bum bum bum bum bum bum. Me me cocky time revit. And I just any man can get it. Me not care if you have good credit. You better can't angle the thing when me send it. Me not drop off. When me pop off. Girl walk off. Till it broke off. Don't stop off. Till it slap off. Good pussy make the whole dance lock off. Tell me see me ting turn up. Turn up the ting till the ting burn up. Wine on a girl till the girl mash up. Now show the ting like a dumper truck. Ayo me ting good. Me ting sharp. And the ting set. And it sitting loud. And the girl good. Got my face bad. É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Rompendo. I know the thing that you like. That you move, be making love the first night. Boom, boom, pat, pat, boom. Hey, big up my jeweler, big up my 4-5, big up my Ruger. Hey, big up the bad bitch, cut they treat me like King of the Munda. Yeah, I'm a savage, some of them 21, some of them cougars. Hey, automatic spazzing, jumping in the crowd, just like Uzi. Yeah, black stallion, I'ma go flex and fly out to Cuba. Yeah, if you got good pussy, let me hear you say hallelujah. Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai treme o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Se olvida de ti. votre soirée démarre dès 21h. 21h sur Énergie avec Vince. Vince est sur Énergie. Bébé, je l'ai connu dans quelques secondes sur Énergie, mais une petite réaction d'Hugo là, qui m'a envoyé en note vocale. Il a insisté pour que je la lise, alors du coup, bah, c'est parti. Ouais, hein. Moi, Vince, j'ai un chien à saucisse là, tu vois, les teckels. Et je me promenais avec lui dans un chemin où il y avait des champs sur les bords. Je l'avais pas mis en laisse et lui il aime bien courir après les vaches et tout. Qu'à un moment je vois il part dans le champ. Ah merde, j'ai perdu, non je l'ai perdu, attends je vais le remettre. Désolé, j'ai mal cliqué là. Ouais, moi Vince, à mon les vaches et tout. Ouais. Qu'à un moment je vois il part dans le champ et je me suis dit bah c'est bon la vache, enfin elle va l'écraser tu vois. Parce que lui il est tout petit par rapport à une vache. Alors je l'appelle et lui comment. Ah, c'est une saucisse, et, quoi. Bah il revient pas. Et donc bah après je vais le chercher et tout. Moi j'étais en t-shirt rouge parce que c'était en été quoi. Et après une fois quand la vache l'a commencé à me courir après, je sais pas si c'était une vache ou un taureau, j'ai flippé ma vie. J'ai pris mon chien saucisse dans mes bras. Je commence à sprinter avec lui dans les bras. Et d'ailleurs il m'a débordé d'un côté puisque il est long là. Et après bah j'ai réussi à m'en sortir. Il a pris tout dans ton story là tu vois. Non, c'était flippant. Oh putain, t'es en train de rigoler en plus le pauvre là. Oh là là, eh ben, eh, franchement je peux comprendre hein. Mais j'imagine trop cette situation avec le chien saucisse, tu vois, entre, entre les bras là. Tu sais que c'est grave ça, tu vois le chien saucisse là dans Toy Story. Ouais, ouais. C'est, il avait ça frère, ouais, genre ça pendait. Je trouve ça drôle le chien saucisse, moi je sais pas, ça me fait marrer quand j'en vois, je pète de rire tout le ça temps. Ça me fait là. Penser à la bite Didi moi. Oh ah, tu vois, il y a quelqu'un qui dit Vince, est-ce que tu peux me mettre dans le groupe de Richard s'il te plaît. Et moi je lui dis mais je peux pas le donner. Elle me dit ouais mais pourquoi tu peux pas me donner le numéro. Je dis mais parce que c'est délicat, je viens d'expliquer pourquoi. Elle me dit je le donnerai à personne s'il te plaît. Pourquoi tu peux pas le donner. Bah, je te connais pas. Je ne sais pas si tu es bienveillant ou pas, tu vois. Je ne peux pas le savoir, Alex. Comme ça, tu sais. J'adore parce que Richard, il commande. Si, si, vas-y, ajoute-le. Oh là là, vous êtes relou, vous. Incroyable. Vin, je suis bienveillant qui m'a écrit. Ah oh, putain, et c'est là demain dans les journaux. Deux adolescents disparaissent depuis qu'ils ont été ajoutés à un groupe WhatsApp, tu vois. Ouais. Ce serait n'importe quoi. Bon, François, est-ce que tu es prêt. On lance tout de suite le bébé, je les connais. You ready. François. Françoise, Tu t'interviens à un moment donné, Lara, ou pas, comment ça se passe? Lara peut intervenir. Je peux, si tu le souhaites. Tout à fait. En fait, du coup, toi, t'es où, là? Enfin, qu'est-ce qu'on dit? Je suis à Couvain, là, je suis en coupure à Couvain. En coupure de boulot, c'est ça? Ça, je suis dans un camion, donc genre, tu peux dire que t'es venu une nuit avec moi travailler, quoi, tu vois. Donc là, genre, je suis avec toi dans ton camion, et à un moment donné, ouais, je prends la parole. C'est ça. Et je t'ai proposé de passer le nouvel an avec moi, c'est ça? Ouais. Ok. Allez. Et, et genre, tu me ramènes de la salle ou un truc comme ça? Comme on est à la salle, c'est possible non, ça? Non, c'était genre, tu m'as proposé d'aller boire un verre. Et okay. Puis, bah, voilà, c'est parti en couille. Mais le problème, c'est que là, on peut plus téléphoner, les gars. Mais qu'est-ce que ça change? On peut plus téléphoner parce qu'il est 21h57. Bon, et vous savez, nous avons des timings dans cette émission. Ouais. Bon, on appelle après? Oui, la déception, on appelle après, effectivement. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, excuse-moi, François, c'est parce que si on lance maintenant, en fait, on va être coupé. Je dois préciser un truc. Je vais expliquer à des auditeurs qui me demandent souvent, ouais, mais vous promettez, vous lancez un truc, et puis finalement, vous mettez encore une musique et tout ça. On est obligé, déjà parce que la musique, ça adoucit les mœurs, ça fait du bien, mais surtout, parce que si on le fait pas, on est coupé net. Exactement. Donc voilà, c'est vrai que c'est la première fois que j'explique ça. Je l'explique jamais ça d'habitude. Ah, c'est vrai, c'est bien. Ouais, c'est la première fois que je le fais. Bienveillant, Vince. Oh merci. Excellent. Bon, les amis, la bienveillance, ouais, on va sur la friendzone tout à l'heure et Guillaume Fife. Friendzone a priori, c'est bienveillant. Je voudrais vous poser une question, chers auditeurs. Il y a beaucoup d'auditeurs ce soir, des nouveaux, je vois. Et franchement, ça fait plaisir. 0492 222 002 sur WhatsApp. J'ai juste besoin d'une petite chose. Un petit truc ridicule. Ceux qui n'ont jamais follow Nigel sur Instagram. Oh. Qu'il est malin, regarde qu'il est malin. Moi, c'est un petit truc que j'aime bien faire de temps en temps. C'est. Ceux qui n'ont jamais suivi Lara Belle-Rose sur Instagram. Oh, elle a donné carrément son Insta. J'ai été vive. Regardez-moi ça. Moi, je voudrais que ceux qui n'ont jamais envoyé de message à la radio sur le WhatsApp, 0492 222 002, m'envoient une photo de l'endroit où ils sont en train d'écouter la radio maintenant. Ah! Maintenant, pile poil. Je peux aussi t'envoyer une photo, moi? Ouais, genre, je fais une photo de toi, genre, j'écoute la radio avec toi. Sauf que c'est si vu et revu, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça. On l'a déjà fait 15 fois. C'est vrai? Quoi ça? Moi, j'envoie tout le temps des photos. Ah, quoi, sur WhatsApp? Mais évidemment! Ouais, très bien. Mais on l'a pas fait cette semaine. Hein. Ouais, j'envoie maintenant. Allez. WhatsApp. Envoyez maintenant sur WhatsApp, qui est le numéro, Richard? 0492 222 002. Aussi simple que ça. Maintenant, vous envoyez des photos de l'endroit où vous êtes en train d'écouter la radio. Pas où vous allez l'écouter après. Là ouais. Maintenant, il ne trichait pas. On ne triche pas. Oh putain, on a une photo de salle de bain. Oh là là, ça y est, le truc arrive. Ah, les gens sont chauds. 0492 222 002 sur WhatsApp. Parfois au 3018, on me dévine, j'arrive pas à utiliser WhatsApp, comment ça marche? Il faut ajouter le numéro à tes contacts. Et dès que le numéro est ajouté à tes contacts, tu peux ensuite m'envoyer un message sur WhatsApp. J'apparais. Bébé, je les connais. Le premier prank de la soirée, c'est tout de suite sur Énergie. Welcome. Téléchargez maintenant l'appli qui vous propose de la musique gratuite. Sans abonnement. En illimité. C'est l'appli Énergie Belgique. Tous les hits, tous les styles, tout le temps. Avec plus de 15 radios de hits thématiques et des lives exclusifs de vos stars musicales préférées, enregistrés dans le studio d'Énergie. L'appli Énergie Belgique est disponible gratuitement sur tous les stores. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Il faudrait tout oublier. Sur Énergie. Mande Vagos, bienvenue, il est 22h02 exactement ce soir sur Énergie. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci Laurie qui m'a envoyé un message pour la première fois ce soir dans l'émission. Bien le bonsoir Vince et l'équipe, merci de me rendre le trajet de retour du travail sous la pluie, entre parenthèses, bien plus sympa. Merci Laurie pour ton message tout aussi sympa. Il y a Anaïs qui est connectée, une petite photo dans la voiture, tranquille, sympa, ça écoute en mode énergie, dans la caisse, Volkswagen au volant, voilà, parfait. Merci. On m'envoie carrément des vidéos, mais on voyait pas des vidéos pendant que vous êtes en train de rouler sur l'autoroute. Ça, sur l'autoroute, au calme, je rentre chez moi du travail. Mais te filme pas. En train d'écouter Énergie. Eh ben merci en tout cas. Mais putain, il y en a qui filment carrément leur radio pendant qu'ils sont en train de rouler sur l'autoroute. Non, vous mettez pas en danger s'il vous plaît. Ça peut tellement arriver vite quoi. Et en plus on est dans une période voilà, c'est encore plus dangereux, tu vois, que ce soit le verglas, ça glisse vite, les gens qui boivent de l'alcool au volant, tout ça, faut faire attention hein. Ah, connexion depuis As carrément là. Première personne qui nous a envoyé un premier message pour la première fois du coup et qui a même mis sa localisation. Putain, c'est trop fort, je savais pas qu'on pouvait mettre des localisations comme ça là, sur WhatsApp. Je savais pas. Ah, un peu comme Insta. C'est pas sur Instagram ça? Bah, peut-être ça va être une autre app et qui me l'a renvoyé sur Insta. C'est possible. Possible. C'est ouais. Peut-être possible. Merci en tout cas à tous ces nouveaux là. Vince, centre-ville, rue Gertry, là. Abdelkader qui m'a envoyé ce message. Ahmed qui est en voiture. Quelqu'un qui a fait une photo de sa, encore d'une fois de son poste radio là en voiture. Il a blindé en voiture ce soir. Eh, mais c'est les sorties, on dirait là. Hein. Ouais, de ouf. Mais c'est jeudi, hein. Il n'y a plus personne en examen là. What the fuck? Regarde la photo, je reçois, regarde la vitesse. 108. Non, mais non. S'il vous plaît, c'est. Attendez. 108, c'est normal, oui. Non, mais faites pas, quand je disais, faites une photo là, maintenant, tout de suite. Retour des cours, oh, qu'elle m'envoie là. Non, faites attention. Non, c'est dangereux, ouais. Vraiment, faites attention, s'il vous plaît. Mais même à 50, c'est dangereux. Numéro qui termine par 58-12, merci pour ton message. Merci de me décompresser, avoir essayé, entre guillemets, de rouler avec mon homme qui est un moniteur pourri. Sérieux? Bah ouais, bah dis donc, bah, t'as carrément fait une photo au volant. Ah, mais non, ça va, t'es sur le siège passager, je reconnais là, super. Okay. Et bah merci, il y a Pablo qui me dit voili voilou. Pablo, tranquille, premier message que j'ai reçu depuis sa chambre. Et elle est belle sa chambre ou pas? Bah franchement. Un petit truc cosy comme ça, tu vois, avec sa, putain, avec sa radio éclatée comme ça. Mais arrête, c'est ça. Non, c'est bien. Elle est éclatée, on dirait il vit dans une cave. Toi, t'as pas de domicile. Ouais, moi j'habite chez Énergie, je m'en bats les couilles. Voilà, sur mon fauteuil radio, juste la radio juste derrière moi. C'est un peu sombre, désolé, pas de problème, t'inquiète pas. Encore au volant de la voiture, là, dans l'auto, après un service calme. Premier message, mais j'écoute depuis un petit temps quand même. Et ben merci Evan qui m'a envoyé ce message. E-V-H-A-N. C'est très gentil. Merci à ceux qui. Et aussi, je dédicace à ceux qui n'envoient pas de messages, mais c'est pas grave. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont dit ouais, je suis désolé de ne pas t'avoir envoyé de message avant, mais il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que profitez de l'émission. C'est pas pour ça que vous êtes obligé. Je veux dire, on est dans une démocratie, vous n'êtes pas obligé d'interagir. Il n'y a pas de problème. À Laurine aussi, Geoffrey, petit message là de Nassera en note vocale. Là, ça dit quoi? Bonsoir Vince, bonsoir toute l'équipe. Hey Nassera. J'espère que vous allez bien. En tout cas, vous êtes en forme et vous mettez la forme à toutes les personnes qui vous écoutent. Bisous, bisous. Nassera. Merci à Lara Belrose qui m'a envoyé une photo de, de nous. Mais t'as demandé de là où on écoute l'émission. Moi, ouais, j'écoute ici. Hein. Bien vu. Il y en a beaucoup dans la voiture ce soir. Hein. C'est drôle ça. Ah, première fois, j'ai le premier message sur énergie.be avec quelqu'un qui a mis donc le site d'énergie et sur le côté, cours EJEMO chapitre 2. Ah, d'où vient le droit? D'où viennent les articles? Les députés et sénateurs votent les lois. Droit. L'ensemble des règles qui peuvent. Ok, en fait, il y a quelqu'un qui est en train d'étudier son examen de droit. Ah, super. Ouais. Putain, Alex, bon courage, mon pote. Gamzou dans la voiture et tout. Et mais il y a des gens, ils ont des voitures, mais avec trop de technologie, quoi. Incroyable. Ils ont de l'affichage et tout. 3D, c'est ouf. Bisous, Gamzou. Léo de Liège, là, qui écoute avec sa radio. Il y a Momo en voiture aussi. Il y a un numéro qui termine par 6180 en voiture. Cruchot en voiture. Quentin au boulot. Jusqu'à 1h, les amis, en voiture. J'écoute à bord de mon Terberg au boulot. En voiture encore. Quoi, Terberg, ouais. Je sais pas. Je crois que c'est un gros camion. Quelqu'un qui nous écoute depuis sa télé. Ah bah quand même. Sa télé? Ouais, si. Comment? Bah regarde, parce qu'il m'a envoyé une photo, tiens. Mais comment il a fait? Mais quoi? Je crois qu'il a, je sais pas, il a d'avoir un truc sur son décodeur ou alors il a branché quelque chose sur sa télé ou il a une smart télé, mais je ne sais pas. Dis-nous, Dimitri, viens de nous raconter un petit peu là. Mais c'est trop cool un petit peu de voir tout ça là. Je prends encore quelques minutes. Beaucoup de gens, mais c'est impressionnant, qui nous écoutent. Je savais pas autant que ça en voiture ce soir. Alors qu'il y a des jours, c'est plus à la maison, tu vois. C'est spécial. Ouais. Blindé en voiture. Et c'est choquant, c'est dingue ça. Vraiment, Jules. Alors, Jules, il nous écoute comment? Ah bah, Jules, il a envoyé une photo de sa radio. Il est à la maison. Très dans sa chambre. Voilà. Il y a Kevin sur sa PlayStation en train de jouer. Voilà, check ça. Il joue à Call of et à Hitman, tiens. Comment tu peux jouer à deux jeux en même temps, lui? Bah non, mais c'est pas ça. Il peut les activer, il peut les lancer. Mais en tout cas, il nous écoute tranquille en train de jouer à la console. Il y a Eugénie dans son bain, s'il vous plaît, avec du Tahiti douche. Mais vas-y, mais c'est quoi ces jambes là? Va les raser, frère. Arrête, on voit aucun poil. Avec du Franck Provo, putain, carrément, la photo dans le bain. C'est même pas sous la douche, la photo dans le bain, quoi. Carrément, du Franck Provo. Merci Eugénie. Attends, ça rigole pas. Hein. Et bah franchement, merci pour tous ces messages. J'ai pas eu l'occasion de tout lire, mais oh putain, il y a eu plein de nouveaux qui sont arrivés. 0492 222 002. Je fais la deuxième partie après. François, t'es prêt? On lance le bébé, j'ai déconné. Ouais. On appelle Ornella tout de suite, c'est ta meuf. Bébé, j'ai déconné en direct sur Énergie. Bon courage, mon pote. Merci, ouais. Si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes bon choix. C'est que vous êtes bon goût. Vous faites de bons choix et vous avez bon goût, voilà. Si vous n'êtes pas là, vous parlez peut-être mieux français que moi. Dédicace à personne. Allô, c'est pas ça. Ouais, ça va? Ça va et toi? Et tu branches? Je venais télécharger les musiques illégalement. J'en ai marre, d'écouter con à la radio quand je rentre du boulot. Quoi? Bah ouais. Nous a grillé. Je voulais te parler là, je te l'avais dit tantôt. Ils nous ont grillé. Attends. Ouais. Je voulais t'en parler hier, mais je t'avoue que j'ai pas trop eu les couilles. Attends, on était grillés peut-être. Alors quand elle dit con, c'est d'autres radios peut-être qui sont peut-être les estimés. Je vais à la faire, les gars. On écoute. Ouais. Et voilà, donc du coup, t'as bien vu sur Snap, je veux dire, elle était dans mes, entre guillemets, meilleurs amis, enfin voilà, comme tout le monde. Ouais. Donc, je parle de temps en temps, voilà. Et sauf que il y a ici quoi, une semaine et demie, elle m'a proposé d'aller genre boire un verre, tu vois. Mmh. Et du coup, j'ai accepté. Mmh. Et tu vas quand? J'ai déjà été, c'est ça le problème. Ça a été quand? Bah, c'était quand le mardi. Ouais, c'est ça, mardi dernier. Mardi. Donc, c'est elle m'a invité. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais elle m'a pas invité genre à Mons ou quoi. Elle m'a invité à boire un verre chez elle, tu vois. Mmh. Donc, je vais. Est-ce que tu passes à la radio et c'est le moment où je dois m'énerver, là? De quoi? C'est le moment où tu passes à la radio et je dois m'énerver parce que t'as des phrases type à me dire ou quoi? C'est ouf, toi. Ah, oh, ok. Je sais pas, je pensais qu'on se disait tout. Moi, je porte mes couilles et tu viens me parler de ça, toi. Non, mais c'est bien, mais, je sais pas. Cramé, ça me semble bizarre. Non. Ah bon, soit. Donc, j'ai été chez elle et. Mm-hmm. Bah, écoute, ça me casse un peu les couilles. J'espère que. Allez. Bah, j'ai nié que tu sauras me pardonner quoi, mais c'est un peu parti en couille une fois chez elle, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Je crois que c'est comment t'as été mardi alors que. Que t'as. Que tu travailles. J'ai été à la. Qui travaille, hein. J'ai été à la salle toute la semaine dernière. Ah, j'ai tu veux dire en journée, en fait. Bah oui, je travaille à 15h, moi à 15h, je suis parti. Elle grille ou pas? Non. Si elle va griller, c'est sûr. Non. Donc, Elle a un doute, je crois qu'elle sait que son mec écoute la radio. Voilà, sexuellement, j'ai pas été jusqu'à genre, tu vois, le rapport. Mais, ouais. Genre, voilà, quoi. Parce que t'es ma baladeuse, voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas trop, non. Bah ouais, écoute et du coup voilà c'est je peux pas faire attends, dire, donc quand on en parlera plus à la maison enfin si tu viens mais je voulais déjà te l'annoncer au moins tu peux déjà y réfléchir quoi bah ouais on en reparlera parce que je sais pas tu sais pas c'est mardi passé et tu penses seulement à me le dire hier non. Bah écoute c'est pas facile d'annoncer ça allez. Tu vas me dire, j'ai pas de couilles, mais je l'ai porté maintenant, je viens de te le dire. Donc, hier, je voulais te le dire. Pour finir, on a passé une bonne soirée. Donc, j'ai pas voulu casser le truc. Et voilà, moi, ça me trotte trop dans la tête et je voulais te le dire, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire pour le nouvel an? Oui. J'ai pas compris. Bah oui, quoi? Ah, bah du coup, j'ai sonné à Tonino tout à l'heure. Parce que faut qu'on regarde à ça parce que du coup elle m'a invité avec tous mes anciens potes genre Louis Nicolas Aurélie enfin tous mes anciens potes donc tu vas annuler le nouvel an bah je sais pas ici elle m'a invité tu peux venir quoi c'est pas un problème mais tu sais bien que moi si je viens je vais défoncer ta race bah non c'est bon allez c'est bon on va je vais venir ouais ça va être marrant ça va m'arriver aux mains écoute J'étais consentant, je dis. C'est bon, je vais venir, t'inquiète. Non, mais elle vient pas, elle. Ouais, ça va, je l'ai reconnue, la meuf sur énergie, là, j'écoute moi aussi. Hein. Et voilà mais c'est bon, c'est grillé, merde. Putain, mais va te faire foutre, t'as plus depuis le début. Oh là là. Elle a eu des doutes et elle s'est dit, ouais, peut-être bien, peut-être pas. C'est ça quand on est victime du succès. Par contre, j'ai bien noté donc. Oh, on est là, t'étais en train d'écouter la radio avant alors. Pas aujourd'hui, mais le mercredi, quand je rentre du sport, je vous écoute. Et François, il est copain avec vous, donc... Ah, voilà, il le dit, mais bien sûr, mais c'est normal. Bah, alors, du coup, on arrive dans une situation où, voilà, quand le petit copain dit les choses, bah, on s'en doute, on sent que ça va arriver. J'ai placé mes deux mots. Complètement. C'est bon, quoi. Elle a grillé tout de suite. Ah, c'est bon, c'est Lara, d'énergie, c'est la meuf de la radio. J'ai entendu. Quel dommage, tout ce moment. Succès incroyable. Hein? Je lui fais perdre un jeu ou quoi? Bah écoute, oui, vous avez perdu un voyage, vous devriez partir aux Bahamas. Oh merde! Ouais, c'est con, hein? Hein, t'aurais dû t'énerver! T'aurais dû t'énerver si t'avais capté! Non, mais c'est quand même dingue parce que. Connais trop! Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est normal. À partir du moment où c'est ton gars, tu sais, si tu connais ses habitudes, tu dois bien te douter qu'à un moment donné, tu vas finir au fourneau de la radio, quoi. Par contre, elle nous a quand même dit avant, t'es sûr que c'est pas avec les autres cons de la radio? On l'a grillé dire un truc comme ça, hein. Ouais, mais par contre, si elle écoute vraiment l'émission, elle saurait que la séquence qu'on est en train de faire là, il y a quelques vérités qui t'a sorti, en fait. Ah, merde. François, il t'a dit quelques vérités. De foutre la merde. Ouais. Ah bon ouais. Ah ben, j'ai alors une conversation avec lui après. Voilà. Hein. Mais t'inquiète, il est là. François, explique-toi. Ouais, François. Un pécho là. J'ai du boulot du coup. Ouais, parce que toute blague, tout humour part du postulat qu'il y a quelque chose de vrai. Ouais, il y a une vérité là derrière. Ouais, bah oui. Ouais. Mais moi, je l'ai capté même avant que ça passe. À 19h, je l'ai capté. Comment t'as capté ça? Explique-nous. Parce qu'on était en émission à 19h. Elle travaille avec nous, quoi. Parce qu'il m'a téléphoné pour me dire que son téléphone était cassé et qu'il fallait qu'il me téléphone en numéro privé. Bagriage! T'as marché en plein dedans. Alors je vais faire comme si que je suis bête et que je sais pas. Non, mais ça va, mais c'est cool. Mais c'est la réalité de la live, les gars. C'est la réalité de la radio. Ouais, c'est ouais, comme ouais. ça que ça se passe. Bon, on te fait un gros bisou. On est là. Hein. Bisous, François. Ouais. Bisous, bah bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. T'inquiète. Dédicace à mon poteau Fabien et Céline et ma soeur et mon beau-frère Laurent qui m'écoutent. Eh ben, splendide, message passé. On te fait un bisou, à bientôt, François. Au revoir! Au revoir! Et bien, bisous, on est là aussi, les amis, Give Me Five et la Friendzone. Et avant de faire le son de Panic à deux disco, je voudrais, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour mon pote DJ Octo, ouais, qui vient du Japon, qui est dans la maison! Bonsoir! Oh, joli! Ouais. Kombawa, Genki Deska! Genki Desio! Ah, parfait! Alors, c'est quelle langue ça, oui? C'est du japonais, c'est mon pote DJ japonais. Ce soir, on va mixer ensemble au set, à la Fuck Me, I'm Student. Grosse soirée de ouf. Il s'appelle comment ton ? Hokuto. Ah. Comme Hokuto no Ken, Tekken, le survivant. Ah, voilà, oui. Exact. How are you ? Super good. Thank you so much for having me again. Avec plaisir. Donc, thank you so much de m'avoir de nouveau. Et Hokuto, en fait, comme il reste un petit moment, il va faire Extravadance avec moi vendredi. Ah, super. Donc, vous allez entendre des bons petits sons et tout ça. You're going to play Extravadance with me, right ? Huh? Friday night. Yes. Il avait l'air pas You're au courant. You're going to be crazy. Alors du coup, il y a un truc parce qu'on en profite d'avoir un japonais quand même ici avec nous. Ouais, du coup la question c'est est-ce que vous avez vraiment tous des petites bites? Non. Je peux pas lui traduire ça. Traduit. Surtout que Nigel est assis et que lui est debout, du coup il pourrait y avoir une démonstration en live. Et Nigel... Oh, ok. Octo Sensei. Je viens de dire Sensei parce que c'est mon maître Octo, c'est un japonais. On fait pas. Oui. You got to know, I respect you a lot, you know. Non, mais tu vas vraiment lui poser. He just asked me a question and ouais. He said, yeah, can you ask the question to you? Okay, but I'm afraid to ask you c'est that très question. Okay. I'm really afraid. It's really awkward, you know. So I prefer to let Nigel ask you that question because I respect you. Voilà, je préfère que Nigel pose la question parce que moi je le respecte trop. Hello, Okuto. So my question is. Don't fuck up. Don't fuck up. Where are you from? Il a pas assumé. Where are you from? I'm from village of ninja. Village? Je viens d'un village de ninja. I'm from Bilut? Billet? Billet. They told on internet that Billet in your country... Billet. On s'en bat les couilles, frérot. In your country, they said that you have a... you know... like a teeny zizi. I'm sorry. Like teeny dick. Tiny. Is this really, really real? No? What's up? Do you have teeny dick? On vit un moment de malaise dans cette émission. Il est en train de demander à un japonais ce que c'est vrai que vous avez des petites bites. C'est horrible. I'm so sorry about that question. Mais hey, il répond pas parce qu'il sait qu'il en a une. Hein. Non, mais c'est malaisant. Repose-lui clairement la question. Non, so the question is, 12 the Japanese people have a teeny dick? Some. Il faut traduire. Certains. Il y a quelques-uns. Non, mais vous avez rigolé. Vous savez quoi, avec Octo, ici, qui est un ami japonais de très longue date, c'est lui qui m'a fait découvrir le Japon. I just explained that you made me discover Japan for a long years now. J'ai été avec lui dans un sauna nu. I've been to the onsen naked with him. Mais alors yeah, yeah. I mean, in Japan, it's normal, right? Yeah, it's normal. Mais ici, c'est genre, tu sais, c'est les saunas nus et tout, ça existe, mais c'est beaucoup moins. Au Japon, t'es obligé d'aller nu. C'est obligé partout. Il n'y a pas de sauna habillé. Ouais, mais parce que là-bas, tu vois rien. Quand t'es nu, donc au calme. Voilà, bref. Mais donc, tu peux nous dire. Non, mais voilà, non, Octo, il est bien. Octo, ça va. Octo, it's okay. Oh, the Japanese. Il a besoin qu'il mixe à sa soirée. And I know you're going to be naked tonight. Parce que la soirée, c'est fuck me, I'm student. C'est pour ça qu'il dit ça. Je sais que tu vas te retrouver tout nu ce soir. Yeah, but only with people with more than 18 years. Ok. Bah, évidemment. Can't get naked. Voilà, yeah, exactly. Voilà, franchement, c'est un DJ de ouf, donc il sera avec moi au set ce soir. On va mixer tranquille. Fuck me, I'm student. Voilà. C'est pour fêter le début des vacances, fin des examens pour certains. Et courage à ceux qui sont à l'université. See you later. All right, see you later. At set club. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Jamatane. Jamatane. Oui, voilà. Bon. Il y a toutes les petites bites qui nous écoutent et j'étais prêt à envoyer un message. J'aimerais bien visiter le Japon, qu'on me dit. Là, ben, c'est ouf, le Japon, vous allez kiffer, les amis, soyez-en sûrs. On a Talia qui est là. Coucou Talia. Talia est dans la. Let's go! Les amis, on va parler des pires conneries qu'on ait pu faire, les pires expériences qu'on a vécues pendant le Nouvel An. Et toi, Talia, oh, c'est sympa quand même. Hein. On en parle avec toi dans quelques instants. Tu restes avec nous? Oui. Formidable, puisque tout de suite, c'est... Panic à de disco avec High Hopes. Bienvenue sur Énergie, venez nous raconter tout ce qu'il faut là sur le WhatsApp 0492 222 002. Votre pire nouvel an, là, pire expérience. Soir. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Vince. Vince sur Énergie. Allez, soyez bienvenue sur Énergie. Bon, il y a mon pote japonais, il doit y aller là. Oui, parce que j'ai des potes japonais, ils viennent, ils, voilà, je les invite, ils viennent mixer ici en Belgique. Et le mec, c'est un gros DJ japonais, je vous invite à aller le voir sur Instagram. D'ailleurs, de toute façon, je vais mettre sa mention et tout. Et donc, du coup, voilà, les japonais, vous savez, ils fonctionnent vraiment d'une manière précise. C'est-à-dire que c'est très respectueux, c'est très posé, c'est très cool avec eux. Et donc, du coup, on fait en sorte voilà, de le mettre bien. Exactement. Exactement. D'ailleurs, je vais faire une photo avec lui. Un gros picture with you. Et on prend l'antenne avec là. Parce qu'il m'a demandé, donc vous prenez l'antenne. Il y a Talia dans le standard. Donc discuter un peu avec elle, tranquille. Tu te rends pas compte à quel point c'est rincé quand c'est nous tout seuls. Mais non, regarde, regarde ça, oui. Bon courage. Voilà. Mais alors, une photo là maintenant, je crois que t'allais sur les murs. Wesh, t'as l'air bien ou quoi? Ouais. T'as déjà rencontré des mecs avec des petites tubes ou pas? Je suis pas une prostituée. Je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais sinon... Il est 22h22. Les 22h22. Donc on peut pas mettre de musique, c'est nul. Mais c'est bon, ça va, je te mets l'ambiance, t'es prêt pour l'ambiance et c'est parti, let's go. 22h22. Les auditeurs fidèles, ils savent ce qu'ils doivent envoyer sur le WhatsApp. Hein. Est-ce que quelqu'un a un chargeur USB-C? Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde dans cette émission, ça part en sucette. Comment ça se fait, t'as besoin d'un chargeur USB-C, toi? Je sais pas, c'est un truc de fou. Normalement, j'ai tout dans ma petite sacoche. Ouais, mais là. Et là, j'ai plus mon chargeur USB-C. Oh, quel dommage. Elle est dans la sacoche dédiée. Ouais. Est-ce que quelqu'un en a un pour moi? Bah, peut-être, Lara. Hein, voilà, peut-être. Je crois que l'équipe va faire ce qu'il faut. Hein. Vince, 22h22, je trouve que t'as pas assez foutu le bordel. Ok, vous savez quoi? Ouais, on était tout seul. On recommence pendant qu'il est encore 22h22 pendant quelques secondes. T'es prêt? 3, 2, 1. 22h22! Vous voulez la fête, et bah vous allez la voir. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Oh my god! Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. m'envoie, j'adore les 22h22. Lara, c'est elle qui a lancé ce truc, elle kiffe les chiffres parfaits, les chiffres miroirs. Nothing can stop. Hey. I'm all the way up. Oh. Hold up. Yeah. For my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey. For my niggas who be acting too bold, take a sip. You ready, motherfuckers? Be ready for the next episode. Hey. On va voir si vous allez dire dans le bon temps. Smoke weed, smoke weed every day. Allez, papa. Yes. Woo! Oh! Hey, je sais pas ce qui m'arrive là. Ça part en sucette. J'ai l'impression que c'est vendredi, genre. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that. C'est pour Nigel. La crème. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on se calme. Hein. On a peut-être un dernier truc. Et enfin, nous pouvons discuter. On a foutu le bordel de 22h22 à 22h25. Hein. On peut discuter avec Talia. Allô, Talia, est-ce que tu nous reçois correctement? Oui. Formidable. Talia, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse histoire du nouvel an. Voilà, parce qu'il paraît que voilà, c'est passé de manière un peu chelou pour toi. Enfin, je le lis, moi, en tout cas. Explique-nous un peu. Bah, j'étais. On devait faire les feux d'artifice et tout. Et mes parents, ils ont insisté à ce que j'allume les feux d'artifice. Moi, je voulais pas parce que j'ai peur que ça m'explose dans la gueule. Enfin, bref, ils ont insisté. Et j'ai essayé et tout, j'ai allumé le feu d'artifice. Et il y en a un, il est parti dans l'arbre du voisin et ça a pris feu. L'arbre du voisin a pris feu? Oui. Et attends, mais comment ils ont éteint le feu? Enfin, si tout l'arbre a pris feu, c'était le bordel, ça. Ça peut créer un incendie de ouf. Oui, on a appelé les pompiers, puis les voisins après, parce que je pense qu'ils dormaient. Pour l'éteindre, j'ai pissé dessus, c'est simple. Ouais, tu vois. Faut beaucoup boire quand même, alors, du coup. Hein, tu sais qu'il y a plein d'accidents comme ça tous les ans. Hein. Avec les feux d'artifice, ouais. Brûler le visage et tout. Ouais, j'ai un pote, il a fait un feu d'artifice au-dessus d'une ligne de tram, le con. Quoi? Ouais, il a pas capté parce que les lignes de tram, tu vois pas, tu sais, au-dessus. Les fils. Oui, mais c'est les fils, c'est ces fils de chemin. Tu les vois pas la nuit. Hein. Tu les vois pas la nuit, et donc, du coup, il a fait péter le truc, et en fait, ça a créé tout un court-circuit dans le quartier, ça a niqué la ligne de tram et tout. Ah ouais, non, mais le problème, c'est que bon, ils l'ont chopé sur les caméras de surveillance parce qu'il habitait en face. Et alors, il a payé combien? 12 000 balles. Voilà. Wow, incroyable! Et encore, c'est. C'est sa famille et lui qui ont dû. Sympa, voilà, ils ont eu la plainte et donc 12 000 balles, ils ont dû rembourser parce qu'en fait, ils ont dû refaire tout un câblage, mais sur un tronçon de 500 mètres, un truc dans le genre, quoi. C'est chaud. Parce que tout avait été complètement éclaté, niqué, c'est dingue. Mais bravo. Donc voilà, t'imagines, hein, tu veux célébrer et puis voilà, ça se retourne contre toi. Célébrer sur un rail de tram, c'est un peu bizarre. Ouais, effectivement. T'as pas peur des feux d'artifice là pour l'instant, Talia, ça va, tout va bien? Oui, quand même. D'accord, non, c'est jamais que tout d'un coup ça te fasse, tu sais, ça t'a provoqué un flip, genre putain, je peux brûler quelqu'un et tout. Non, mais il y a plein d'histoires. Tu sais que moi j'ai un pote, par exemple, il allumait un feu d'artifice, il s'allumait pas, il comprend pas, et alors du coup il essaie de le rallumer. Aïe, aïe. Et la mèche, en fait, elle arrive, elle disparaît. C'est-à-dire que lui, il se dit, en fait, la mèche a été coupée, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a pas, tu sais, parfois t'achètes des paquets de feux d'artifice, des sortes de grosses boîtes là, ouais, comme ça, cassés, genre, qui font plusieurs tirs. Ah ouais. Et parfois, en fait, la mèche n'est pas reliée à la mèche réelle, tu vois. C'est-à-dire que tu vois à l'extérieur a été coupé et donc du coup c'est pas lié. Sauf que lui s'est rapproché, il se dit normalement c'est supposé démarrer dans les 10 secondes, lui il reste comme ça, mais genre il avait dépassé les 40 secondes et qu'est-ce qu'on voit? Paf, le truc lui pète dans la gueule. Non, il a rien eu, il a pas les cheveux un petit, il a eu les cheveux un peu brûlés, il avait porté des vêtements synthétiques, ça a pris feu directement, mais il a vraiment eu de la chance, il aurait pu être brûlé, et en fait on a vraiment vu ces fusées, mais il fonce dans la gueule, dans la gueule. Non mais c'est dingue. Surtout, tu sais, il y en a qui sont dangereuses parce que il y en a qui tirent mais après ils te pètent dessus. Moi un jour, j'étais avec les feux d'artifice, j'en allume un et tu sais, je vois je l'avais trop enfoncé dans le sol, donc je vois le jet pour qu'il décolle. Sauf qu'il décolle pas. Et moi je dis ah merde, il décolle pas, je me rapproche et puis je réfléchis, je me dis mais attends, quand ça décolle, dès que ça arrive dans le ciel, ça explose. Au moment où j'ai cette réflexion qui me passe par la tête, j'ai le temps de me retourner, paf, il a pété au sol. Bah ouais. Bah, mais est-ce que c'est un truc à faire monte, soi-même. Et puis ça explose, mais sauf quand il monte pas parce qu'il est trop enfoncé. Bah, il pète en bas quoi. Il pète en bas. Ah ouais, je te sauf dis pas. Ça déclenche tous les autres. Heureusement non, j'avais Rémi à côté. Heureusement oui. Ouais non, mais de dingue, il y a des histoires comme ça. Sinon il y a des artificiers dans ce métier. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon, ça coûte cher quand même pour le nouvel an si on doit prendre un artificier hein. Ouais, on a Nicolas qui est là aussi. Là. Salut Nicolas. Nicolas est dans la maison. Et Nicolas, alors explique-nous un petit peu comment ça s'est passé toi de ton côté dans ta life, ta pire expérience vécue à Nouvel An. Ah ben on était au Nouvel An à l'étranger, on était en Hollande. Et bon, on arrose bien ça, on boit comme il faut. Et en citoyen responsable, on ne prend pas la voiture. On se dit on va être correct. On prend le vélo. Sauf que en repartant en vélo, on s'est fait contrôler par la police. On était bourrés, on a tous fini en séjour de dégrisement pendant 6 heures. Mais oui, mais c'est ça que j'étais en train de me dire, c'est pas une question de voiture ou de vélo, tu peux pas prendre un truc qui te meut. Ouais, c'était de petites routes et on s'est dit, ben ouais, ça peut passer, y a pas de flics dans les petits villages et puis, bon, on s'est pas arrêté. Voilà. On essayait de passer dans les mailles du filet. Ouais, mais un vélo, c'est. Bout de temps zéro, ça va être en voiture, j'aurais pu comprendre, mais pas un vélo, quoi. Ouais, mais non, c'est pas possible. Sinon, tu en penses quoi, Vince ? Mais moi, je pense que des histoires comme ça, voilà, tu sais, des nuits de folie, c'est sur l'instant, quoi. T'as une idée, et puis voilà, ça part en lieu. Voilà, tout d'un coup, tu peux te retrouver à l'aéroport à faire des photos tout dans un photomaton. Ça peut tout à fait arriver. N'est-ce pas, Lara ? N'est-ce pas, Vince ? Voilà, tout à fait, Lara. Bah, un jour, Lara et moi, on est avec des potes. On a passé une bonne soirée, on s'est retrouvés à l'aéroport de Bruxelles à faire des photos dans un photomaton et à prendre un Starbucks. Dans l'aéroport ? Dans l'aéroport, ouais. À deux doigts de prendre un billet d'avion en plus. Voilà. Ryanair, hein, je précise. On était jeunes, on était fous. Oui, faut biffer quand même pour partir à l'aéroport sans destination précise. Oui. Il faut être. On a perdu Talia, la pauvre. On a perdu Talia là. Musicali pour aller tuer tout. Ouais, c'est quoi votre Instagram? Parce que comme ça, je peux vous ajouter. Oh, c'est mignon. Moi, c'est Vince Radio. Moi, c'est Nigel Sanchez, donc N-I-G-E-L. Mais non, mais ça pas les couilles. Nigel Sanchez. Allez hop. De toute façon, on est sur le truc de Vince. Hey. Et moi, c'est Lara Belle Rose. L-A-R-A-B-E-2-L-E-R-O-S-E. J'adore ce truc là. Comment vous piquez les trucs. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on le dit? En fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est aller sur l'Instagram de Vince. Et vous verrez qu'on est tagué nulle part. Et sur les stories de Lara non plus. Si, je vous tape tout le temps. Jamais. Elle nous tague. Mais seulement celle où je pense que c'est que Vince qui doit partager. Et toutes les autres, vous êtes là. Alors Vince, moi je me suis fait contrôler par la police devant une caserne militaire à Nouvel An. Par contre, moi j'ai assisté des trucs de ouf à Nouvel An. Oh là là, mais vraiment un moment très malaisant. Je suis dans le tram, je rejoignais des potes, je partais d'un point à un autre, j'avais fini avec la famille, je rejoignais des amis au centre-ville. Et il y a un bug avec le standard là. Le standard, il est en train de bugger. Nicolas, t'as l'écoute et Talia, on est désolé, mais ça a l'air de bugger. Bisous à Marine qui dit salut l'équipe, énorme gueule. et à un moment donné, il y a un mec qui dit ouais, passe-moi ton briquet. Mais un mec, tu vois, qui était fou un peu dans sa tête, il dit passe-moi ton briquet, les gars. Et ouais, ok. Il donne le briquet et le mec il le garde comme un gamin. Il le met dans sa poche. Et donc le gars dans le tram, il dit écoute, rends-moi mon briquet. Les gars, quel briquet? Mais un mec, ça se voyait, drogué, il était taré et tout. Et il se rendait très bien compte, mais il était dans la provoque gratuite. Et les gars, écoute, je t'ai donné mon briquet gentiment. S'il te plaît, on était soir du Nouvel An, on était déjà Nouvel An passé et tout. Il y avait les transports la nuit et machin. Et le mec, il fait tu fais ton briquet? Ben non, tu vas voir ça. Et il sort un couteau et il le pointe devant lui. Quoi? Et on est tous là en train de regarder en se disant oh, calme. Le mec est fou. Alors il commence à faire ouais, tu veux ton briquet? Et comme un con, quand il se relève, il prend le briquet, lui jette à la gueule, tiens ton briquet de merde. Et là, tu dis, mais c'est gratuit. Et c'était un fou. Ça se voyait, le mec, il avait un problème dans son cerveau. Il était con, il était pire que mais les mecs comme ça, faut juste les balayer vite fait, c'est bon. Mais le truc, c'est que non, je fais pas ça. Dans ce genre de cas, un mec qui a l'air d'être suspect et fou, teste rien. Le mec, c'est-à-dire que tu peux pas prévoir ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu t'en fous? Ouais, tu peux pas. Ça coûte 50 centimes chez le paquet. Bien sûr, on s'en fout toute la nuit. Bien sûr, on s'en fout, tu vois. Maintenant, le gars, c'est pas cool, tu vois. C'est pas cool, mais il y a plein de gens qui sont pas cool. Après, si tu veux te faire. Ouais, ça c'est pas faux non plus. Laisse tomber, il prend mon briquet. Bah, venez nous raconter vos aventures de Nouvel An là. On en parle dans quelques instants sur Énergie. Les bonnes choses, tout à fait. On a Dimitri qui va arriver dans le standard là. On a également Josué. On arrive tout de suite sur Énergie. Vince est dans la maison. La friendzone qui arrive avec Game of Five aussi. Vince, 21h minuit sur Énergie. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h. C'est vous qui programmez. Vous qui décidez.

Attention, cette émission dépasse les limites des bords des frontières. Peggy 18. Non, ça ne veut rien dire, mais on trouvait ça cool comme jingle. Allez, bienvenue sur NRJ, 22h40. On va passer des bons moments encore ensemble. Là. Comme promis, la friendzone, ça va arriver. Le Give Me Five aussi, là, pour les pranks qu'on n'a pas terminé. On part du nouvel an. C'est quoi votre meilleure ou pire expérience vécue? Et avec toute la team qui est là ce soir et qui, comme d'habitude, crie à l'unisson Vince et Dana Maison. Nous avons le plaisir de dire au revoir, remercier et de dire au revoir aussi à Nicolas. Nicolas, désolé, notre standard un peu buggy, on t'a perdu. Hein. Ouais, y a pas de soucis. Les choses se remettent en ordre. Nicolas, tu viens de quelle ville? Peux poser une question à ton pote DJ? Ah, mais il est parti, merde! Ouais, mais dis-moi si tu veux, je pourrais lui demander, y'a pas de problème. Pour savoir s'il est fan de manga comme tout le monde là-bas. Ouais, grave, lui, son manga. Lui, en fait, disons qu'il a quel âge maintenant? Il a 42 ans, même si ça se voit pas à sa gueule. Ouais, pas du tout. Et on dirait pas, hein. Il y a un petit jeu. Mais tous les Asiates, hein, même c'est quand dingue, ils ont 40 piges, on dirait ils ont 10 piges. Je te jure, mais c'est abusé, c'est-à-dire que lui. D'ailleurs, il a sa tête, si vous voulez voir, la tête de mon pote japonais qui est DJ. C'est un gros DJ, hein. Si jamais vous tapez son nom sur Google, DJ Okuto, comme Ken le survivant, hein, au japonais, c'est Octonoken. En fait, au couteau, ça veut dire genre il mixe avec des couteaux. Ouais, bah, excellent. Je m'entendais à cette feinte. Ouais. Voilà. Allez. Mais c'est pas grave. Et ben, franchement, allez voir sa tête. Il a pas du tout l'air d'avoir 42 piges, le mec. Non, pas du tout. On dirait trop qu'il a 25, 26. Ouais, comme ça. C'est dingue, hein. Il a fait un lifting, hein, peut-être. Non, pas du tout. Je sais pas, il mange de bonnes choses au Japon. Hein. Il vit jusqu'à son 10 ans. Est-ce que demander à un Japonais est-ce que t'aimes le manga, c'est pas comme demander à un Belge est-ce que t'aimes les frites? Non, les Japonais ils vivent beaucoup le cliché en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que les clichés au Japon c'est normal. Ah ouais? Chez nous c'est pas normal. Chez nous c'est genre cliché et tout. Mais non, pas cliché, c'est genre c'est tous les Belges aiment les frites, je pense. Enfin, je sais pas, on peut faire un sondage. Oui, mais tu vois, mais si c'est un étranger, tu peux peut-être un peu mal le prendre en disant ouais, mais c'est quoi ce cliché? Mais en fait le Japon vit sur les clichés et leur humour est beaucoup basé sur des clichés. Ah oui. C'est pas du sarcasme. Oui, oui, dans ce sens, mais voilà, ils prennent pas ça au premier degré quoi. Par contre, la bise, ils aiment pas. Hein. Non. Oh là là là, la première fois que je lui avais fait la bise, le mec était en érection, je crois. Ah oui. Ouais, normalement tu fais pas de bisous au Japon, tu salues à distance et tu touches pas. Vous avez vu l'habitué, il vient ici depuis 10 ans maintenant, ça fait 10 ans qui vient en Belgique et en Europe et tout. Mais en tout cas, Nicolas, lui, pour sa part, il ne lit plus les mangas, il ne regarde plus les mangas. Mais je sais qu'il a eu toute une période, effectivement, où il a kiffé les mangas old school, genre City Hunter, il les connaît, quoi, il connaît les One Piece. Okay. En fait, c'est tellement big, Nicolas, au Japon, les mangas, que même sans lire, même sans regarder, il y a tellement de merchandising, il y a tellement des bâtiments avec la tête de Naruto en grand, c'est tellement ancré dans la culture que même sans lire et sans en consommer, sans regarder, tu connais les histoires. S'il te plaît. Ah ouais, il y en a partout. Organise un voyage au Japon avec nous. Je voudrais tellement. Je suis sûr que tu peux faire ça avant les vacances de Pâques. Ouais. Je te connais. Non, je suis sûr que tu es capable de le faire. En plus, c'est la meilleure période pour y aller. Hein. Je suis sûr que tu es capable de le faire. Genre une émission là-bas en direct. Regardez-moi ça. Du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, avant les vacances de Pâques en 2020. C'est mort. Voilà, Nico, t'as déjà été au Japon ou pas, Nico? Non, pas encore, mais j'aimerais bien. Ah, mais il y a des trucs qui font, hein, tu verras, c'est sympa. Franchement, je serai ton guide si tu veux, si t'y vas. Ouais, y a pas de soucis. Allez, à bientôt, bisous Nico. À bientôt, bisous. Ciao, ciao, au revoir. Ouais, il y a Eugénie, non, Nigel, j'ai aucun poil. Et Laurent qui nous dit effectivement, il a une tête de gamin, comme Nigel, le japonais là. Salut Vince, moi c'est un pigeon qui m'a attaqué parce qu'un pote m'avait mis du popcorn dans les cheveux. Ça, c'est pas mal, c'est pour le sujet d'à tout à l'heure. Excellent. On a Dimitri qui est là. Salut Dimitri. Ouais. Dimitri est dans la maison. Dimitri, quelle ville? Binge. Ah, Binge est dans la maison ce soir. C'est pas le doudou. C'est pas très loin de Mons. Allez, pas très loin. C'est... Non, pas du tout. Voilà. Il le dit pas du tout. Non, c'est pas loin de Mons. D'accord, Binge. En Derlu. Bah, en Derlu, une vingtaine de kilomètres, c'est tout. Et voilà, c'est la région. Ouais, de Mons, quand même. Parce que j'ai pas la musique de Binge. Qu'est-ce qui se passe, Thibaut? Bah, sinon, tu peux mettre un air de Gilles, ça passe, hein. J'ai pas d'air de Gilles. Mais c'est bravo. Ça, mais regarde. Ah non, et moi j'attends ça dans 3 mois. Ou alors tu peux mettre un air de gilet jaune. Excellent. Voilà, voilà. Gilet jaune. Moi gilet jaune. Que va le Gilles de Bâche. Faut danser petit. Dimitri, alors, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé toi à Nouvel An. Bah, en fait, au Nouvel An, je me suis fait un peu larguer chez moi. Oh. Larguer chez toi. Ouais, c'est ça ton histoire de merde. C'est-à-dire avec mes parents et j'avais invité ma copine au Nouvel An et elle m'a largué à minuit. Bon, écoute, je voudrais te dire quelque chose. À minuit. C'est tout à fait compréhensible. Ah, il faut m'expliquer là. Pourquoi? C'est horrible. C'est parce horrible. Parce que tu vois, comme les comptables et les experts fiscaux, etc., il y a une année fiscale. Tu vois ce que je veux dire? Oh, putain, et ouais. En fait, quitter ton mec le 31, éventuellement à minuit, c'est pouvoir commencer ton année smooth. Ouais. Sérieux, t'as déjà fait ça? C'est que pour commencer le 1er jamais. Janvier. Jamais. Clin d'œil, jamais. Ouais. Jamais. Non, mais je pense peut-être que les filles qui nous écoutent pourront peut-être dire ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, j'avoue. Mais je sais pas, c'est un truc que tu te dis, bon, voilà, si elle continue le premier, elle a entaché le premier, alors que si elle veut casser avec lui, elle avait l'idée depuis longtemps, seulement elle s'est dit, je vais prendre une date butoir, le 31, voilà. C'est une comme pute. Ça. Mais non, c'est juste une fille qui veut larguer son gars, quoi. Ouais, mais tu t'attends pas genre le 1er janvier, wesh. Mais non, elle a fait ça le 31. Devant mes parents. Ah oui, devant les parents. Mais excuse-moi, j'avais pas le reste de l'histoire. Ça c'est. De trouver une explication. Au pire, chacun sa merde, non, on s'en bat les couilles. C'est vraiment dur. Vous avez jamais pris des dates butoirs comme ça? Non, je peux pas le quitter un dimanche. Mais non. Je vais pas le quitter un lundi, je vais quitter le dimanche, que ça c'est la fin de la semaine. Mais le ça, nouvel c'est an. Propre, quoi. Attends. C'est trop bien strict. Mais larguer. Non, parce que Robin nous dit, elle a grave raison, Lara. Tu vois? On voudrait la vie des femmes. Comment ça, grave raison? Mais tu vois, je t'ai dit. Vous fonctionnez un année fiscal, vous. Mais ça non, c'est avec des dates. Ça veut dire un dimanche, ça va, parce que c'est la fin de la semaine. Si tu le quittes le lundi, merde, c'est une nouvelle vibe. Elle arrache chaque mois, elle disait putain, on n'est pas le 22, je peux pas le quitter. Ouais, vraiment. C'est ça. Ah bon, tu sais quoi, je vais attendre la fin de contrat. Allez hop là. Ah, c'est dingue, pauvre Dimitri. Alors, tu l'as vécu comment, ça? Bah, pendant 2-3 semaines, j'ai mal vécu. T'as pleuré? Ah, du coup, oui. Non, Dimitri, il n'y a pas de honte, hein, tu peux dire. Moi aussi, j'ai aussi pleuré parce que j'étais largué avant. Hein, t'es ouais. Largué, toi t'as pleuré. Ouais, allez, arrête. Hein. Si, j'avais 16 ans. Oh, mais t'avais 16 ans, lui, il n'avait pas 16 ans, lui. Non, mais j'avais 16 ans, quoi. T'as pas pleuré depuis 16 ans. J'avais 14 ans, en plus, c'était la première copine que j'ai rencontrée. Oh non. Ouais, 14 ans, d'où à 14 ans, tu présentes une fille à tes parents. Non, mais c'est pourquoi pas. Ça faisait 2 ans que j'étais avec. Ah, 2 ans, putain, il sortait avec. Ah, mais ça a commencé tôt. Ah non, oui. Ça faisait 2 ans. Bon. Jeune carrière. Ouais, mais c'est triste, à 14 ans, c'est ton cœur. Ouais. Ton cœur, il est fendu. Il est au bout, quoi. Oh là là, vise-moi. Ça va se réparer. Bah, j'espère bien. Ouais. Quentin me dit, vise-moi, j'ai largué mon ex un 13 février. Et je me voyais mal passer le cap de la Saint-Valentin alors que ça allait casser un jour ou l'autre. Frère, attends. Mais je vous attends, il y a un concept. Eh, tu t'imagines? Tu prépares tout pour le 14. Tu donnes un acompte genre pour un spa de ouf. Tu donnes 250 balles. Tu vas lui chercher des fleurs, tu commandes. Tu mets 100 balles. Tu vas lui chercher un colis, ouais. Tu mets 300 balles. Ouais. Après, tu dis, ah, c'est fini. Mais ta grand-mère. Non, mais je te dis, la faute à toi, tu sais pourquoi? Parce que si t'as pas vu que ta meuf, elle voulait te quitter. Ça veut dire que si t'as pas vu qu'elle était malheureuse, c'est que tu ne fais pas attention. Comment à tu peux le voir, ça? Non, attendez, c'est attendez. Vous cachez bien votre jeu, arrête. Tu ne parles pas avec ta meuf. Je suis d'accord avec Nigel, attention, parce que à chaque fois qu'on vous pose la question et qu'on voit qu'il y a un problème et que ça va pas, on vous pose cette question habituelle qui est: quel est le problème? Viens m'en parler. Non, ça va. On a eu ce débat hier en plus. Mais nous, on n'a pas eu ce débat hier. Si on a parlé il n'y a pas longtemps de ça. Vous allez dire qu'à chaque fois qu'on vous pose la question et qu'on vous demande, parce qu'on voit qu'il y a un problème, on veut avoir une conversation. Mais on voit qu'il y a un problème. Oui, mais on voit qu'il y a un problème. Alors on veut essayer d'arranger ce problème. On vous pose la question. Et vous dites non. Et on demande. Mais il faut creuser, les amis. Est-ce que ça va? Et alors la réponse est non, ça va. Tout va bien. Mais tu vois qu'il y a un problème. Oui, mais alors du coup, dites-le tout de suite. Mais sauf qu'à un moment donné, vous dites rien, et tout d'un coup, vous accumulez, et vous pétez. Et je me permets de terminer ce que je disais. Évidemment. Et vous pétez un câble. Voilà. Et tout d'un coup, vous décidez de parler à ce moment-là. Nous, on a essayé pendant une semaine de vous parler. Vous avez refusé de parler. Oui. Là, on arrive à un moment où vous avez décidé, quand vous avez décidé de parler, motherfuckeuse, tout d'un coup, ça y est, c'est ce moment-là. Nous, on n'a pas le droit de dire, écoute, on peut en parler demain. Non, quand la femme a décidé de parler c'est maintenant. C'est incroyable. C'est tout à fait ça. Mais je vais vous dire un truc. Quand on a parlé l'autre fois de qui devait chasser l'autre, etc., avec les mecs, c'est un peu des chasseurs, parce qu'ils ont un instinct de chasseur. Je mets mon gilet jaune. Attends. Alors, vous êtes des instincts de chasseurs, etc. Ouais. Mais quand il faut aller chasser l'information et que même ça prend une semaine, alors qu'à l'époque, pour trouver un mammouth, vous faites 3 semaines dans le froid là-bas, là, vous êtes en face d'une meuf qui a un problème. Elle ne sait pas c'est quoi son problème. Juste, elle a besoin de son gars pour aller. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Quand une meuf a un souci, moi, je le trouve direct. Hein. Mais bon, malheureusement, tu l'as pas trouvé au bon moment, apparemment. I'm sorry. Dis-moi, parce que c'était un peu cash, comme elle l'a dit. Donc, Mais du coup, t'as pas trouvé. Alors, un petit message, parce qu'il y a pas mal de réactions par rapport à ça, du coup. Hein. Un homme, c'est censé se battre hein, quand ça aime une femme. Donc, voilà, comme dit Lara, faut creuser. Mais attendez, si je peux me permettre, ce genre de discours, il faut se battre, machin. Mais alors, à un moment donné, si on doit se battre pour vous, réclamez pas l'égalité des sexes. Si on doit toujours avoir cette position, on est un homme, donc nous devons nous battre. Mais battez-vous pour nous une fois. C'est ça. Les femmes aussi se battent pour leurs hommes. C'est-à-dire que je me bats pour que les femmes aient le même salaire que les hommes. Et ça, c'est important pour moi. Mais à un moment donné, si vous voulez avoir le même salaire que les hommes, et en même temps, vous voulez que nous, on reste des hommes on doit absolument nous battre et se battre, etc. Ben, battez-vous. Mais c'est votre instinct de chevalier. Arrêtez de vous battre. Voilà. Attends, Ilias, il dit quoi, Ilias? Salut l'équipe, je vous écoute. Ouais, et en fait, tout simplement, il faut avoir de l'expérience. Ouais. C'est pour ça qu'il faut sortir avec plein de femmes. En même temps, si et dès qu'on trouve la bonne qui est bien, tu la maries. Oh. Au final, ben, tu arrives à. C'est un cliché. À capter le caractère de chacune. Et ça t'aidera pour avancer dans la vie. Mais pour ça, il faut sortir avec plein de femmes. Bah, je sais pas, ça marche dans les deux sens. J'adore, il faut sortir avec plein de femmes. Bah oui, bien sûr, je crois qu'on a l'expérience quand là, on a amené à avoir. Mais il faut quand même vous dire, il faut quand même avouer un truc. Et j'adore comment on a débordé sur ce sujet, et c'est génial. C'est magnifique ce mais sujet. Mais vous, les femmes, vous avez une conscience collective. C'est-à-dire. Vous avez un cerveau commun. C'est-à-dire. Comment c'est un cerveau commun Vous avez un cerveau commun, quelle que soit la femme avec laquelle tu vas sortir, vous avez des caractères différents, vous avez des identités différentes. On dirait que vous avez une déesse qui est en train de vous mindfuck, qui de contrôler vos choix. Tout, elle contrôle votre vie parce que vous avez toutes les mêmes réactions sur les mêmes trucs. Le Merci. Mais attends, mais vous êtes quatre mecs en les choses russe, ont été dites. Mais voilà. Attends, mais c'est juste une question de point de vue. C'est que toi, t'es un homme. Merci. Tu vois ça chez les femmes. Mais les femmes, elles vont dire la même chose. Mais non. Si. De toute façon, j'ai que ça qu'à dire. Voilà. J'ai que ça qu'à dos. Ouais. Mais non, mais vraiment là. Non, mais voilà. Mais on est complémentaires, les amis. Oui, bon, voilà. Vous voulez. Pourquoi ça vous embête? On dit que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Nous, on vient à la rigueur de Mars. Vous venez d'une autre dimension, dans un autre et alors, passé. Mais dans c'est ça que vous aimez aussi. Ouais, c'est notre complexité. Et Frédéric, il dit ouais, des chieuses. Vin, je préférais chasser le mammouth que comprendre une femme. Non. Oh putain. N'hésitez pas, les demoiselles, à réagir aussi. Hein. T'as un petit message là, qu'on m'a envoyé là, en note vocale sur le WhatsApp. J'essaie de la récupérer là. Ouais, certes. D'accord, l'homme il doit se battre pour la femme, mais ça doit jouer dans les deux sens. Hein. Évidemment. Alors, évidemment. Alors Mehdi nous dit quoi là, Mehdi? Mehdi est dans la maison. Merci Mehdi, t'as totalement raison, merci Natsu, c'est gentil. Amen Vid, tu as complètement raison, je suis tout à fait d'accord mais avec toi. Mais il n'y a que des mecs. Elles ont toutes le même caractère, c'est incroyable. Ça c'est vrai ça, vous avez toutes le même caractère. Ça, alors j'ai des messages de demoiselles qui me disent, alors Vince, je n'ose pas passer pour te confirmer les trucs à l'antenne, mais oui tu as raison. Et moi je suis d'accord avec ce que tu dis dans le sens que vous avez toutes le même caractère. En fait ce que vous voulez dire, vous êtes toutes des femmes. Bah ouais, on est toutes des meufs. Oui vous êtes des femmes, mais vous avez un contrôle. Il y a comme une intelligence artificielle qui vous gère. Et en fait, j'ai l'impression que tu peux dire à une femme, genre, je suis sorti avec, j'ai eu des expériences dans ma vie. Et lorsqu'une femme me dit, comment est-ce que tu trouves mon petit haut, etc., la réponse, c'est quelque chose de normal, c'est j'aime bien. Oui. Sauf que le j'aime bien ne plaît pas. Non, ça dépend. Non. Ça dépend des filles. Parce qu'en fait, ce que vous attendez comme réponse, c'est j'aime bien. Tu es belle avec. Non, tu es la plus belle d'entre toutes les femmes et je n'ai jamais vu une créature aussi exceptionnelle que toi. Ce petit haut te met en valeur d'une manière waouh, j'ai envie de te faire l'amour jusqu'à 5h du matin, mais waouh, tu as bien fait d'acheter ce truc. Tu sais quoi? On va aller faire du shopping. Ouais. Et ben tu vois, ça c'est une disquette de la guerre du midi ça. Ouais, vraiment. Parce que ce que tu viens de dire, ce que tu viens de dire c'est vrai, c'est ça, j'ai l'impression que vous attendez qu'on vous le dise. Mais le pire, c'est que vous attendez qu'on vous le dise pour les boucles d'oreilles, vous attendez qu'on vous dise le même discours pour votre maquillage, pour le vêtements et j'ai l'impression qu'il faut toujours balancer le même discours. Non, moi, honnêtement, non. Toutes les filles sont pas comme ça. Nous, les hommes, on pense vivant. Un truc, point, on le pense. Je trouve ma femme belle, je lui dis, mais mon chéri, à moi, quand je mets un truc, il me dit ça te va pas. Ça change, ça c'est beau. Aujourd'hui, t'es magnifique. Parce que, attends, Lara, il faut préciser, c'est pas une femme comme les autres. Te dire ça te va pas, toi, tu es du genre de demoiselle à dire, ah, ok, merci. Pas de problème. Merci de me le dire. Oui, pas de problème. Je te jure, je connais des demoiselles. Alors, je fais pas une généralité, bien entendu, évitons une généralité. On est d'accord que c'est pas toutes les femmes comme ça. Non, mais il y a des tu dis, moi si j'ose dire à ma meuf, je trouve que ça te va pas. Elle adore ce qu'elle porte. Elle va le déchirer parce que ça ne me plaît pas. Je sortais avec trois filles, alors peut-être que je sors avec des meufs bizarres. Elles déchiraient leur truc parce que machin parce chose. Que mais ça, c'est une question de caractère après. On est bien d'accord. Bon, les amis, c'est bien parce qu'on s'égare dans tous les sens alors qu'on parlait du pire jour, des pires expériences de Nouvel An. Et donc, Dimitri, on va te remercier qui, lui, le pauvre, s'était fait larguer à Nouvel An. Et tu es le bienvenu dans cette émission. Quand tu le désires, mon pote, suffit d'envoyer un petit message. Ah, je sais bien, ça fait d'ailleurs. Alors. Je te fais un gros bisou, Dimitri. Allez, un bisou. A plus, mon pote. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, une petite note vocale qui est arrivée. C'est quoi cette gonde? Ah, on parle de toi, Lara. Voilà. Petit message qui est arrivé. Mais ça, c'était ironique, ça. Allez, les amis Soprano avec Niska Zoom. On a Josué qui est là aussi. Salut, Josué. Josué est dans la maison. Josué, mon pote, on va parler avec toi dans quelques instants. Là, toi, Nouvel An, t'as fait un pari et on connaît pas le détail de ce pari, mais t'as fait un pari avec un pote. C'est bien ça. Ouais. Quel pari incroyable. Est-ce que ce pari t'a foutu dans la merde ou a fait quelque chose de négatif? Non, l'amitié a été sauvegardée, mais... Bon, ah, ne dis rien, ne nous dis rien. On va découvrir ça dans quelques instants sur NRJ. Avant ça, voici... Soprano. Alléluia, alléluia. Avec Niska, ça s'appelle Zoom. Hermano Sopran Baba. Il nous a tapé ça en live à NRJ, il n'y a pas très longtemps. Trop bien. Quand il était ici chez nous, là. Il était propre. Allez, bienvenue, let's go. J'suis toujours resté le même, j'suis toujours resté le même. Je suis toujours resté fin, oui, comme ma première sacène. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que des diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. La baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. La cité, la cité. Toto, Rina, c'est pequeño. Brasilia. Fodes, caray, pobre, chico. Cocaïna. Jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais on trahira la Honda. Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Trahira jamais la Honda. Je roule en Mitsubishi, moi. Ça tombe bien. Vince aussi. 0492 222 002. Écris-lui pour vérifier s'il est bien en direct. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Je rêve, il y a bitches dans ce jingle. Vous arrachez les mecs, franchement. Merci pour ce message. Il y a un nouveau message aussi, là. Ça dit quoi? Mon père, il m'a toujours dit... Les femmes, c'est comme un livre ouvert. Il faut seulement savoir lire dedans. Ouais, c'est trop mignon, ta phrase. C'est bizarre. Phrase incroyable. C'est très, très bizarre comme phrase. Les femmes, c'est comme la littérature. C'est comme un livre ouvert, il faut savoir lire dedans. Voilà, bon, on a compris. Voilà. Et puis, tu sais bien, il faut toujours mouiller un petit peu pour tourner les pages. Ouais, wow. Bah quoi, tu bouilles ton doigt pour tourner la page, c'est quoi le problème? Oui, je me suis battu pour un mec que j'aimais plus que tout, mais qui en avait rien à foutre de moi, et quand il m'a quitté, il m'a reproché que je l'avais dégoûté de l'amour. Alors, c'est vrai que je rectifie juste un truc, Lara, je suis d'accord que vous, les femmes, vous vous battez aussi pour l'amour. Merci. Et que vous êtes, je pense, alors les hommes sacrifient beaucoup pour l'amour, certes, mais une femme sacrifie énormément de choses. Tous les amoureux tout le monde, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a mais des femmes sacrifient parfois. C'est pas sacrifier, c'est un mot négatif, effectivement, mais en tout cas se battre pour quelque chose puisse se passer. Mais quand je dis sacrifier, c'est parfois quand la famille n'est pas d'accord, etc. Des femmes sont prêtes à laisser tomber les parents et tout ça pour leur amour et exactement. Et puis je connais combien de femmes ne sont pas battues. Voilà, quand je dis battues pour faire en sorte que les choses se passent. Donc c'est vrai, effectivement, quand il y a l'amour, c'est beau, c'est commun et tout, mais parfois vous nous cassez les couilles. Hein. Et parfois vous aussi. Hein. Voilà. Bon, Josué, qu'on récupère là, avec qui on va parler dans quelques minutes. Josué, il a fait un pari avec un pote, et je vous rappelle tout à l'heure, on a la Friend Zone, on a la Game of Five aussi qui arrive là. Il y a eu beaucoup de réactions ce soir, j'ai pas pu tout jouer. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? On va le faire aussi ce soir. Pourquoi tu réponds pas? Mais parce que je suis occupé avec l'émission. La grande faiblesse des plus grands hommes ont toujours été les femmes. Oui, bon, ça. Les femmes, et en même temps un élixir, mais en même temps un poison. C'est très bizarre. C'est pour ça qu'on les aime. C'est parce qu'elles sont tellement bizarres. Ah, les femmes. Et voilà, on a eu le philosophe de la soirée. Il est romantique, il est romantique. Nous, les femmes, on est juste nées, en fait, pour faire chier le monde. Non, c'est pas vrai, arrête. Ça, c'est vrai. Toi, tu nous fais chier, par contre. On fait à bouffer, on nettoie les locks. Nous aussi. Enfin, voilà, on fait tout ce qu'il y a à faire dans la baraque. Moi, je fais pas ça. Tant que vous nous emmerdez. Donc, en gros... Non. Le débat, ben, c'est de la merde. Oh. Et on sent ceux qui ont passé un mauvais moment avec des gars là. Ça, c'est le truc qu'il faut dépasser, justement. Les clichés, il faut les dépasser. Oui, bon. Chaque couple a sa propre recette, il n'y a pas de recette dans la vie. Bien sûr, mais tu peux vivre une petite frustration, ça se comprend. Il faut en parler, partager. Cédric. Allez, les amis, ne bougez surtout pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? On va y jouer. Pas mal de conneries. Il nous reste une heure, mais en une heure, il va se passer pas mal de choses. Yeah. Et si vous êtes de sortie parce que c'est les examens. Je suis à la soirée Fuck Me I'm Student. C'est où? C'est où? C'est au 7 à Bruxelles. C'est le club de Tour et Taxi. Ah! Le site de Tour et Taxi. C'est très sympa. Ça va être. Il y a la fiesta. Et d'ailleurs, si vous voulez y aller, il suffit de m'envoyer un petit message genre, Vince, moi je veux bien y aller. Donc moi, j'envoie vite votre nom et votre prénom à l'accueil. Comme ça, vous arrivez, vous êtes en guest et la vie est belle. Mais tu confirmes à la personne qui t'a envoyé. Et bien sûr, je confirme. Donc pour ça, on va mettre un code sur le WhatsApp. Dès que tu m'envoies, je viens. Donc c'est-à-dire, même s'il y a 500 personnes qui demandent, il n'y a pas de problème. C'est vrai? Oh ouais, j'ai guest list illimité. Donc du coup, envoyez-moi soirée, tout simplement. Là maintenant, sur le WhatsApp, 0492 222 002. N'est-ce pas, Richard? Redonne-le un coup, s'il te plaît. 0492 222 002. À tout de suite sur Énergie. Vince, 21h minuit sur Énergie. Abonne-toi à la chaîne Énergie Belgique et découvre toutes les autres vidéos de Vince sur Énergie. Dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500€ cash en écoutant Énergie à 8h05. Énergie. Jusqu'à 500€ cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78 et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1€ par SMS envoyé et reçu. You fight like hell, but you're barely alive. Work so hard, just try to survive. Head's underwater and your hands are tied, I know. Dream so big, eyes are wide. That's the kind of life that I can't provide. It breaks my heart how you feel tonight, I know. Lean into me, with you back in your mind. When you're broken inside, ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down on me. Ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down on me. Never there, take no time coming up for air. There's a deeper feeling that this life's not fair, I know. Lay your worry down on me. dès 21h. She said, do you love me? Tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Et on se fait plaisir tout de suite avec Louane sur Énergie, avec Julien Doré. Midi sur novembre. Et le soleil peut t'attendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre. Labyrinthe en désert, crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. Et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. De 21h à... En fait, on ne sait pas trop. Mais on sait qu'ils sont là. Mais surtout, vous inquiétez pas, c'est gratuit les appels. Hein. Non, mais je précise, quand on vous appelle à l'antenne, c'est gratuit. Il y a plein de messages. Il y a eu Nathan, Vince, quand tu m'appelles, je paye pas. Non, tu payes que dalle. Je crois que c'est Nathan qui est dans le standard avec nous, là, qui m'a envoyé ça. Allô, Nathan ? Nathan ? On attend. Nathan ! Ah, bah, ouais, ah, bah voilà, t'entends. Quand même. Nathan, tu m'entends, là ? Oui, je t'entends. Ouais, c'est toi qui m'as envoyé le message. Ouais. Ah ouais, non, t'inquiète pas, c'est gratuit pour toi. Quand on t'appelle, c'est gratuit. Même si vous appelez standard, c'est gratuit. 0800-23456. Que vous envoyez un message sur WhatsApp, c'est gratuit aussi. Quand vous répondent, c'est gratuit. Non, vraiment, on vous fait rien payer sur tout ce qui est envoi de messages, lecture de messages à l'antenne, machin. On est plus en 1960. Hein. C'est chelou, faut réfléchir aussi un petit peu, non? Non, mais bon, il faut le préciser WhatsApp, parce que tu sais. Ouais, mais tu sais pas forcément. Tu sais, maintenant, on arrive à te faire payer des trucs quand tu cliques sans faire exprès sur quelque chose sur Internet. Donc, cliquer sans faire exprès, ça n'arrive jamais. Oui, bon. C'est-à-dire que t'as menti sur la marchandise, quoi, tout simplement. On m'aurait menti. Nathan, reste avec nous. On va faire la friendzone avec toi dans quelques instants. Il y a Josué toujours qui doit nous raconter son histoire avec un pari de pote là qu'il a fait le soir du Nouvel An. Petite expérience. Josué, vas-y, raconte-nous. On est curieux là. En fait, on était à une soirée, donc c'est la meuf en question, et il y en avait un d'entre nous qui était amoureux d'elle, tu vois. Et donc ce mec, il était fort au ping-pong en fait. Et du coup, je lui dis, vu qu'il y avait une table de ping-pong là-bas, ah ça va. Si j'arrive à te battre au ping-pong. Donc sur 10, eh ben tu lui dis tout ce que tu ressens. Il me dit à l'aise, parce que de toute façon j'avais déjà perdu genre 10 matchs contre lui, donc du coup il était chaud, tu vois. Et bah là, situation se retourne, je lui mets un 10-1, il a rien compris à sa vie. Il a perdu, et donc du coup il est obligé de faire le défi, quoi. Voilà, du coup on quitte tous la maison de la meuf, on les laisse genre 3 minutes, puis on les voit ressortir, on se dit « waouh, ça s'est bien passé ouais. », et puis on voit la meuf qui part d'un autre sens, enfin je sais pas ce qu'elle a fait, puis il est retourné chez elle, et puis voilà. J'ai pas très très bien compris. Moi en non fait, plus. C'était pas très clair. C'est-à-dire qu'il y a quoi qui s'est dit? Ben en gros, dès que moi j'avais battu quoi, au et ping-pong. Qu'il a dû dire, voilà, et ben nous on est partis de la maison et on l'a laissé, enfin on a laissé le pote dire ce qu'il ressentait quoi. À qui? À une meuf. À la meuf en question, qui kiffait. D'accord, donc en fait tu l'as battu, donc il a été obligé de dire ce qu'il ressentait à la meuf. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé? En voilà. fait il a dit quoi? Ah, c'est à sa meuf ou à une meuf? Non, à une meuf, mais qui n'était pas sa meuf, mais qui était amoureux. Donc il était amoureux. Attends, je vous ai... Ouh là là, ok. Donc en fait, okay. Il a eu un pari. Ils ont joué un match de ping-pong. Voilà. C'était un pari. Si jamais il perdait, il devait avouer ses sentiments. C'est le principe de la friendzone. Voilà. Voilà, il avoue ses sentiments à la meuf qu'il aime. Sauf donc, qu'il a casé. A il a un copain, il a une petite copine. Ça je sais pas. Ou non. Pas. Non, non, il a un modèle. Non. Ok, pardon. Non, mais il est juste amoureux. C'est une bête histoire. Et du coup, c'est mal passé et il s'est pris un non. Ah ouais, putain, donc il a essayé de sortir de la friendzone et... Mais ça, c'est une histoire de merde. C'était au niveau lent et qu'il fallait faire encore toute la soirée, bah c'était un peu le malaise. Ouais, parce qu'on nous dit tout ça n'était pas très clair. Non, effectivement, maintenant on comprend mieux, mais attendez, c'est quand même un moment de pression. C'est-à-dire que on regarde toujours la friendzone un peu avec ce regard, genre ah oui, mais t'imagines le mec, cette situation, tu perds un pari et tu dis bon, bah ce pari me force à me lancer, et puis tu avoues les choses et. C'est pas grave, tu dis que c'était un pari, wesh. Ouais, mais non, on n'y pense non, pas c'est forcément. Encore, c'est encore pire ça. On y pense ouais, pas, ouais, parce que alors du coup, la tu. La meuf, elle est fâchée après. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui m'envoie. Hola, hola. Oh, oh, oh papy, mais qu'est pas ça. Allô, j'entends rien, il y a trop sur moi. Est-ce qu'il paye, je te cours après. Ah, ouais, et ouais, Josué, une bonne soirée. Merci. Bisous Josué, à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Bisous Josué. Les amis, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. C'est parti. Le moment de vérité. Ah. Ouais. Avec Nathan qui est là. Salut Nathan. Ouais, salut. Officiellement, on peut t'inviter correctement dans cette émission. Nathan est dans la maison. Merci, c'est ça. Bien joué Nathan. Nathan, tu as quel âge et tu viens de quelle ville? J'ai 2 ans et je viens de Jodogne. Jodogne, sur la route pas loin de Wavre, on est bien d'accord. Ouais. Jodogne. Ouais, Jodogne, tu connais pas? Non. Jodogne. Voilà. C'est sur la route de Wavre. Ouh, que je danse. Nathan, ce soir, tu vas sortir de la friendzone, donc tu vas. On l'espère. Ah, j'espère, moi je le souhaite en tout cas. La loi de l'attraction, c'est important. Il faut croire à quelque chose très très fort et ça se produit. Oh, excuse-nous, hein. T'inquiète pas. Marc Vossen. Puisque le patron d'énergie et nostalgie à voir là-dedans. Mais il pense comme ça, lui. Ah ouais, ouais. Ah c'est vrai qu'on était en réunion là tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ah, tu te souviens pas qu'il a dit ça lorsqu'il était. C'est vrai. Il est fou, ce type. Ah, c'est vrai. Il a glissé un truc dans mon subconscient. Mais tout à l'heure, on était dans une grosse réunion énergie nostalgie. J'avais expliqué ça en début d'émission. Là. Et à un moment donné, il a posé la question, est-ce que quelqu'un connaît la loi de l'attraction? Et moi, je lève ma main et puis je vois autour de moi que personne connaissait. Je fais. Ah, nous, derrière, on était tous là. Ouais, ouais. Ah, quand même, c'est bien ça. Mais attends, t'étais en train de penser que c'est toi qui avais inventé ce truc-là. Il était tout fier. Non, du tout. Non, je me suis tourné, j'étais pas bien. Tu vois, tu sais, quand t'es le seul à lever ta main, t'es pas bien. Surtout qu'il y a la loi d'attraction et la loi de Murphy. Ouais, ouais, c'est donc ça. La loi de Murphy, c'est juste l'inverse. Oui, effectivement. Quand tu penses que quelque chose va se mal se passer, ben ça se passe nécessairement voilà. mal. Quoi. C'est la contrainte universelle. Là. Exactement. Bravo. Voilà. Donc les amis, il faut préciser un truc qui est important, c'est quand vous croyez très très fort à quelque chose, ça se produit. Donc Nathan, à partir de maintenant, tu vas croire très fort que tu peux sortir de la friendzone. Nous aussi, on va y croire. On va téléphoner à qui, Nathan? Anaïr. À comment? Anaïr. Anaïr, elle s'appelle, c'est Anaïr. Bien ça? Ouais. Très bien. Alors, ça fait combien de temps que tu la connais, Anaïr, là? Depuis le début de l'année. Ok, depuis septembre, vous êtes dans la même classe? Non. Ok, pas de problème, t'es en quelle année toi? Première secondaire. Et elle est en quelle année? Première secondaire. Ah ok, d'accord, dans des classes différentes. Ouais. Et comment est-ce que tu sais que t'as des sentiments pour elle? Qu'est-ce qui t'a amené à le penser? Je l'aime. C'est beau, oh putain. Waouh, ouais, c'est trop beau. Ah ouais. Hey, c'est trop beau, non mais t'as donné la meilleure réponse qu'il fallait donner quoi. C'est tellement avec de la sincérité, c'est dingue. Bon. Ouais, là tout à l'heure, il faisait les coques là. Ouais, les meufs et puis maintenant, oh, il y a un gars qui dit je l'aime. Oh, on est content. Attention de ne pas te faire un air. Ouais, bon, un air, merci ouais. Nigel. Allez. Ok, il y a pas de problème. Ta gueule Nigel. Oh, le vent. Ouais, on a pas compris. Il y a pas de vent. Bon, attention. C'est un moment important. Et je me remercie l'auditeur dont le numéro termine par 2838 qui m'envoie un message. Bon, les gars, je commence le taf maintenant. Je vous laisse bonne soirée. Continuez comme ça. Écoute, nous taf, mon pote. Ouais. Bon, Je voudrais que, comme dans Dragon Ball, tout le monde mette ses mains en l'air pour donner son énergie positive à Nathan. Sauf si vous êtes en voiture. Alors, comment vous envoyez, tu sais, les petites mains en l'air, le smiley là dans le ouais, WhatsApp. C'est comme ça, là. Ah ouais. Voilà. Genre, mettez, prenez le smiley avec les mains en l'air dans WhatsApp. Et je voudrais que vous envoyez tous vos petits smileys mains en l'air sur le WhatsApp maintenant, s'il vous plaît. Et faites le signe des Illuminati aussi, ça grave, marche. Grave. Il faut aider Nathan. J'adore parce que Thibaut, il a les mains levées. Allez, sur WhatsApp, les amis. Faites le signe Joule. Sur WhatsApp, vous envoyez des petites mains en l'air, là. Faites le signe Joule. 0492-222-002. On va le soutenir. Nathan, Grace, ce soir, on y croit, tu vas sortir de la friend zone. On donne tout. Les mains sont en l'air. Toutes les mains sont en l'air. Pour notre ami Nathan, ce soir, qui va tenter de sortir de la friend zone. Et même sur le WhatsApp, les mains sont en l'air. Il y a plein d'encouragements qui arrivent. C'est le Genki Dama pour la friend zone. On va te faire sortir de là, mon pote. On va te faire sortir de là. Ouais, j'ai filmé en même temps. On n'en sait rien. Si, on va. Moi, on j'y va crois. Te faire sortir de là. J'y crois. Attention, Nathan, on appelle Anaïr tout de suite. Je te souhaite bonne merde, que tout se passe bien. Et si jamais ça se passe mal, et genre qu'elle pète un câble, elle veut pas d'accord, on dit que c'était une blague à la radio. Et n'oublie pas que ça se passera quand même bien. Ouais. Courage, on est avec toi. Putain. Comment t'as répondu ? Ta gueule. Par contre, il faut qu'elle décroche. Oula. Oula. Allez, déjà, on va aller. Bonjour. Non ! Tu nous en contact avec la boîte à messages de... Non. Ouais, l'attraction universelle. Oh mon Dieu, la déception. Oh. Une nano passe pas dans la radio. Oh non. Dano, combattira tes l'antenne. Ah là là. Quelqu'un m'a envoyé. Ah zut, je me suis trompé. Non, attends, j'espère qu'elle va décrocher. Tu penses qu'elle dort là en ce moment? Elle est en vacances. Vous êtes en vacances là? Non, elle est connectée, mais on est en vacances. Ah ok, bah elle est connectée, donc elle devrait décrocher. Bon, il y a peut-être l'humour inconnu. Tu l'as dit que tu l'as appelé peut-être un truc dans le genre ou pas? Bon, ouais, je t'ai dit, je l'ai encore envoyé un message, je réponds, c'est moi. D'accord, ok. Il la voit avec son GSM, ouais, avec son numéro. Réponds, c'est moi en inconnu, tu sais. Ça se passe. Hein. Bizarre. Non, sur Instagram. Ah, mais sur Instagram. On rappelle bon. Ou pas? Ouais, tiens, on rappelle. Ouais, attends, elle a vu ou pas? Vous êtes. Ouah, direct la boîte à message là. Peut-être qu'elle est sur son téléphone, c'est une mauvaise manip. Peut-être qu'elle parle à un autre gars aussi. Attention, Nathan. Est-ce qu'elle a vu le message que tu lui as envoyé ou pas? Non, elle a pas vu. Elle a pas encore vu, mais elle est connectée. Oula, déjà ça sent mauvais. Et en plus, il m'a mis en haut-parleur. Ouais. En plus, on a encore plein de mains en l'air qui arrivent. Hein. Bon, Nathan, là. On attend, là. Non, mais on attend pas. On n'attend pas trop longtemps. Mais laissez-le, les gars, c'est un moment pas facile. Mais pour nous aussi. Non, mais Nathan, là, tu fais quoi? Ouais. Moi, je suis sur le profil de Kylie Jenner. Je peux pas trop. Mais tu parles à qui, ouais? Elle peut pas rendre son tel. Pourquoi? Mais elle est sur Instagram. Mais elle peut peut-être pas. Elle peut peut-être pas décrocher. Peut-être qu'il y a la famille qui est là, les parents. Oh non! Elle veut juste pas te parler. Ça sert à rien, sans rappeler. Il y a tellement d'auditeurs qui ont envoyé leur loi d'attraction, là. Ouais. Ils ont mis les mains en l'air. Il y a plein de nouveaux auditeurs qui nous ont envoyé les mains en l'air et tout, là. Numéro qui termine par 8448, là. Maïté, merci pour ton message. C'est vrai, trop bien. Ouais. Très sympa, Maïté, son message. Waouh! Très très sympa. Mais pourquoi elle monte ses ins, wesh? Mais Nigel! Oh putain, je suis en train de vous montrer voilà, qu'on a des messages de plein de gens. Et toi, directement, tu te focalises sur les seins. Mais parce que moi, je suis obsédé par les ins. Hein. Oui, mais arrête. Regarde, j'en ai aussi. Regarde, franchement, elle a un look, elle a une attitude, elle est chill. Et toi, tu dis, t'as vu les chiens? Putain, laisse-la un peu. Une auditrice nous envoie un message pour la première fois et directement on parle de séance. Franchement, on a l'air con après, tu vois. Il est colleur. Ouais. Il est colleur. Il est colleur. YouTube va hacher. Gilet jaune. Voilà. Non, mais complètement. Gilet jaune. Moi, gilet jaune. Hold up. Bon. Alors, Nathan, qu'est-ce qu'on fait alors du coup? Ouais, mais elle peut pas. Pourquoi? Elle t'a dit pourquoi? Je sais pas, enfin, je crois que c'est pas un. Ils l'ont dit, enfin, elle est censée dormir en fait. Bah ouais, mais ouais. Ah, mais il faut qu'elle s'isole, dis-lui qu'elle se cache quelque part, que c'est important. Elle a peut-être pas un château. Ouais, mais elle a laissé son téléphone en. Mais comment elle a accès à Instagram, wesh? Mais peut-être. Ouais, je sais pas. Vas-y, elle t'a couillé. Non, j'attends, j'ai l'impression qu'elle couille un peu, quoi. Non, mais attends, oui, genre, elle utilise son Instagram sur l'ordinateur. Elle est pas obligée de la forcer, elle est pas obligée de lui parler. Non, mais bien sûr, c'est pas ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une couille dans l'air. Elle est connectée, là, online, avec son Insta, mais non, ça, je peux pas décrocher le téléphone. C'est de folle cœur, ça. T'as dit quoi, Nathan? C'est pas une tablette, hein. Peut-être qu'elle a une tablette. Ouais, peut-être. Tu vois, Nadia, à cause de toi, il y a plein de nouveaux auditeurs qui ont jamais envoyé de message qui disent envoie les photos des seins. Non, j'en vois rien du tout. Ah. Moi, les gens qui me contactent et qui envoient des trucs, c'est reste privé, j'en vois rien à personne. Sauf Damien, j'envoie le cul de Damien, ça, ouais. Mais non, mais en plus, les gens, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas parce que je dis qu'il y a des seins qu'il y a des seins nus, ouais. Ouais, voilà, déjà. Coucou l'équipe, c'était un peu plaisir de vous écouter après le boulot. Vous êtes géniaux. Merci pour ce message. Merci. Bon, attends, tu sais quoi, vas-y. Peut-être qu'avec un peu de chance, on peut y croire. On essaie de rappeler. Vas-y. Allez. Tiens, Nigel, regarde, t'as été une photo de la part de Damien pour toi. Oh. Non, mais lui, il dégoûte, lui. Bonjour. Non, et regarde, tu vois, c'est là que tu vois qu'elle l'a couillé, parce que de bas, ça sonnait, et là, ça sonne plus. Non, mais il a expliqué que le téléphone était en bas chez ses parents, et donc peut-être que les parents ont entendu téléphoner le sonner le téléphone et qu'ils l'ont éteint. Non, ils auraient répondu quand tu as un nouveau masque à ce temps-là. Mais non, c'est le téléphone de ta fille. Bah si, 23h19, tu réponds. Il y a Sio qui le dit, elle parle à son gars. Non, pas forcément, mais... Elle a pas de gars. Ah, t'en es sûr déjà? C'est bien ça, il y a déjà des infos. Bon, on fait quoi? Bon, bah malheureusement, il ne décrochera plus ce soir, donc désolé pour la friendzone, les amis, c'est tombé à l'eau. Oh, ça fait un plouf. Voilà, bide. Alors, la loi d'attraction, sera pas pour ce soir, à mon avis. Non, mais allô. Quelle déception. Oh my god. Tout ce moment-là, on y a cru, on s'est dit ça y est, on va y arriver, puis finalement, on l'a pas. Eh oui, mais c'est comme ça la radio, c'est des moments où ça se passe et des moments où ça se passe pas, malheureusement. Bon, bah Nathan, ce sera pour une prochaine alors, hein, si tu veux, ça va? Ouais. On peut tenter. Je pleure. T'as dit quoi? Ouais. Non, c'est mon frère, il me dit que je pleure, mais non. Ouais, bah ton frère, il pourrait t'encourager quand même. Les frères. Ouais, Nathan, allez! Les gens commencent à chambrer. Oh là là. Les frères sont dans la maison, sur Énergie! Si, si! Et ça fait plaisir! bisous, Nathan! Et bisous la famille, ciao les gars, bye bye. Vince, je te kiffe, je rentre dans la maison et dédicace à Isor et Richard. Bienvenue dans la maison. Bienvenue dans la maison, il y a plein de nouveaux là qui arrivent. Balance le Kinkidama dans la tronche de Nigel. Il est capable de l'éviter encore. Vince, j'habite en Flandre et je travaille sur Bruxelles tous les soirs. Et quand j'étais dans la zone où énergie capte plus durant le trajet, je coupe sa mère et je mets la 4G et je branche l'aux. Auxiliaire et tout, impossible de vous rater. Bah franchement, ça fait plaisir. Energie.be, franchement, c'est cool. Wow. Ou alors l'application Énergie Belgique. Je vous écoute avec mon papa, il est dans la maison. Eh ben, franchement, merci encore une fois. Là. Petit message. Je le mets un steak site. Oui, parce que, voilà, on nous envoie des photos. Lui, il est personne à part sa petite fille. Ouais. Hey, Nigel. Post Malone avec Swiley, Sunflower sur Énergie. Oh, je suis déçu, je suis triste. Ouais, mais c'est ma chanson préférée. Hey, José, dans la maison. Ah, salut, comment ça va? Tout va bien? Ça va bien? Salut, ça va et toi? Émilie pour le Give Me Five tout de suite sur Énergie. Allez, plein comment faire ce soir, vous inquiétez pas. Mais d'abord, voici Post le Melon avec soit le Sunflower. Baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping our check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crashed at my place, baby, you're a wreck. Digging in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride me. rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit, sur Énergie. Vince dans la maison. Et merci pour vos messages. C'est dans la maison. J'adore, tout ça, ça arrive à l'instant même. Hein. Vous êtes tellement nombreux là, c'est incroyable. Merci, merci pour tout ce que vous envoyez, ça fait plaisir. Petit message encore. Une spéciale dédicace à Arnaud et à Isor, des auditeurs très très fidèles. Ah bah d'ailleurs, à vous, vous aime, vous continuez comme ça, c'est trop bien votre émission. Non, mais c'est toi qui es trop bien, mon pote. Bisous à Thierry qui est là. Putain, Lara, pourquoi j'ai mangé dans tes chips là? Maintenant j'ai faim. C'est pas mes chips, c'est ceux de Nigel. Ah bah, et pourquoi Lara a mes chips à côté d'elle? Ouais, je me pose la question. Pas, c'est toi qui les as mis et là. Et t'as remarqué les chips, c'est incroyable. T'as pas faim, tu veux pas de chips, mais t'en goûtes un et après c'est bon, mort. Tu ramènes ta main dedans. C'est dingue, ils mettent des trucs là-dedans pour pirater ton cerveau, quoi. C'est la loi par de l'attraction. Bouffe. Non, mais vraiment, c'est ça. Vie, je te kiffe, je rentre dans la maison, là. Merci. En tout cas, vraiment sympathique, tous vos nouveaux messages, toutes les personnes qui ont envoyé des messages pour la première fois ce soir, là. Vraiment, c'est. Voilà, bienvenue dans cette famille. J'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous êtes bien. Oh my god, je me souviens de ma pire expérience de Nouvel An. Mais il faut me la raconter, Agnès. Hein. Mais d'abord, nous avons Émilie qui est là. Coucou, Émilie. Bonjour, salut. Émilie est dans la maison. Émilie, quelle ville? Moucron. Sois énergie. Moucron est avec nous ce soir, c'est bon ça. C'est où Moucron? C'est à côté de tout. On est dans le vide. On est dans le vide, vide, tout. On est dans le vide. On me fait tourner. C'est dans ces eaux-là. N'empêche, elle dit quand même, il me fait tourner. Hein. Ouais, il me fait tourner. Ouais, mais dans le vide. Voilà, dans le mec, c'est un acrobate. C'est ça, c'est genre qui danse. Émilie, tu fais quoi dans la vie? Je suis maman à foyer. Oh, c'est cool, c'est le métier le plus difficile au monde en plus. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Tu gères un effectif de combien de soldats là? combien de joueurs? Deux ados. Oh, putain, c'est rien ça. Attaque en pointe ça. Il y a des gens qui gèrent 5 ados et qui taffent. Hein. Ouais, mais bon, deux ados quand même, c'est pas évident quoi. Et est-ce qu'ils écoutent cette émission, Émilie? Non. Ah, comment ça se fait qu'ils... Ils aimeraient bien, mais bon, la fille, elle dort et le gamin, il joue à la PlayStation. D'accord. Attends, ils aimeraient bien, mais c'est la maman qui écoute. Ouais. C'est ça? Oula, sorry. Attends, mais c'est drôle, ça. Est-ce qu'ils connaissent l'émission de base ou ils connaissent pas du tout? Si, ils connaissent. Ah. Le vendredi soir, on l'écoute ensemble. Ah, c'est chouette, ça. C'est top. Ils jouent à quoi, là, pour l'instant, à la PlayStation? Ah, bah, ils jouent à Fortnite. Hé, hein. Hey, attendez, les gars. Fortnite? Attendez, les gars. Quoi? J'ai envie qu'on tente un truc. Mais comment? Tu veux tenter quoi? Fortnite, ça se passe online. Ouais. Vous avez vu toutes ces vidéos sur internet des parents qui trollent leurs enfants en éteignant la télé pendant qu'ils jouent à Fortnite? Moi, ah oui, les enfants pètent des plombs. Tu veux ça? Alors, Émilie, oui. Est-ce que je peux te lancer un défi? Ouais, vas-y. En plus, il est juste dans la chambre. Alors, dans la chambre. Tu prends la télécommande pendant qu'ils jouent à Fortnite, il faut qu'on écoute, qu'on entende ce qui se passe. Et tu, ouais. Tu dis rien et tu éteins la télé. Ou ouais, tu débranches la console, je sais pas moi. Non, éteins la télé, c'est fort. Parce que ça veut dire que tu continues, t'es toujours dans le jeu, mais tu peux te faire tuer à n'importe quel moment, tu vois pas. D'accord. Éteins la console, c'est que c'est mort. Faut qu'elle trouve la télécommande, quoi. Vas-y, vas-y, on écoute. Je l'ai. Elle est là. Attention, on écoute, on écoute. On écoute la réaction. Allez. Bon, j'ai coupé, mais en fait, ils s'en foutent. Oh, j'ai beau gosse, hein. Ah bah, beau gosse, genre, ouais, t'inquiète, de toute façon, j'ai tellement un ranking élevé qu'on peut m'abattre, je m'en fous. Mais je crois, je suis... Tu sais, je m'attendais à un pétage de plomb, genre... Mais t'as cru qu'on était des Américains ou quoi? Ouais, et puis vraiment, genre, oh non, tranquille, je m'en fous, tu l'as rallumé, j'imagine. Bah, je vais la rallumer, mais bon, c'était déjà fait dessus avant, donc. Ah, bah voilà! Ouais, c'est ça. Oh, quel dommage! Tiens, il est pas tombé dans le panneau! Quel dommage! C'est un petit défi qu'on va faire de l'émission. Quand il est en pleine action. Ce sera pour une prochaine, t'inquiète pas, ma chérie. Bon, Émilie, t'es avec nous pour le Give Me Five ce soir, on est bien d'accord? Ouais. Formidable. Tu veux faire équipe avec qui ce soir? Tu as le choix entre Nigel, Lara, Eddie et Thibaut et moi. Lara? Yes, bah, très bien. Bravo. Hop là. Et si jamais vous voulez faire le Give Me Five, les amis, y a pas de problème. J'ai M5 que vous envoyez maintenant sur le WhatsApp 0492 222 002. Il y a des cadeaux à gagner si jamais vous gagnez. GM5, la lettre G, la lettre M, la lettre 5. Attention les amis, parce que tout de suite. 5, c'est une lettre? Et le chiffre 5, merci. Il est tard, je suis fatigué, j'ai pas dormi. Je suis en PLS, je suis KO, je suis dans KO, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai M5. On est bien d'accord. Gilets jaunes, gilets jaunes, Thomas les gilets jaunes. Faut danser petit. Attention, mesdames et messieurs. 23h23. Je l'ai raté. Ah, j'ai vu. Je l'ai rasé. J'ai recliqué parce que je l'ai gardé en tête, lui. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Il va falloir tenter de deviner ce qu'il y a dans son arrière-train ce soir. Ce qui ne va pas forcément être facile. Parce qu'aujourd'hui, il nous a sorti du lourd. Et vous savez quoi? C'est juste après Offenbach avec Benjamin Grosso, Paradise. Et c'est tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. Dominique Lehmann. La star des voyants. Voyant de star. Allez, Tiffany. Salut, c'est Tiffany. Je vais tirer vos cartes. En fait, non, c'est pas la star, c'est la voyant des fifous, la fifou des voyants. Voyant. Le 6-9 sur Énergie, demain. Demain, dès 6h. Back, let's go. Trying to jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah. You smile and take my baseball cap. Oh, I never ever had a love like that. Oh, you bringing along the California vibe. Yeah, you impersonating everything I like. You feel like paradise. Oh, and we should sneak away. I want you to be. Vince. Tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Bien sûr qu'on est là ce soir. Et on a vraiment pas eu de bol avec nos pranks. Hein. On a vraiment pas eu de bol ce soir. Attends, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, ceux qui sont là depuis le début d'émission, 21h, on a fait le bébé chez les connais. On a été grillé par la copine du mec qui voulait faire une blague à sa copine, qui entend et qui dit ah mais non, mais t'es sur énergie machin. Parce que voilà, parce qu'elle connaît les habitudes de son petit copain. On a voulu faire la friendzone, mais la demoiselle est partie. Son papa lui a confisqué le téléphone parce que quelqu'un voulait sortir la friendzone en appelant une demoiselle. On lui a avancé ses sentiments. Sauf que pas de bol, le papa genre il va plus décrocher le téléphone sinon elle a des problèmes avec ses parents. Donc je te dis pas, là ce soir niveau prank on a galéré. Ouais, mais des soirs comme ça ça arrive hein. Ça arrive, c'est comme ça, c'est le truc, c'est la loi d'attraction. Il y a quelqu'un qui veut appeler quelqu'un mais l'autre personne n'est pas obligée d'être au téléphone. On ça est bien arrive. D'accord. On est bien d'accord. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de sa vie quoi. Exactement. Et ce soir au-delà d'Emilie qui est toujours avec nous, tu nous entends toujours Emilie? Oui, je suis ah, là. Ah, formidable. Émilie qui est toujours dans la maison, qui a de Moucron. Nous avons Laurent qui est là. Salut Laurent. Salut. Vous allez bien? Bien, Laurent est dans la maison. Attends, merci. Exactement. Mais toi, t'es Laurent de Serein, toi. C'est ça, oui. Ah, ça se reconnaît, la longue. La colle, c'est de l'eau. Ah, ouais. Hey. La colle, c'est de l'eau. Hey. La colle, c'est de l'eau. Hey, hey. La colle, c'est de l'eau. La ville de Dominique Serein, tiens. Ah oui, c'est vrai. Dom. Dominique Gordon-Bois. Exactement. T'es Gordon-Bois. On n'arrive plus à le joindre, lui, purée, c'est ouais, relou, quoi. Un fils de pute. Non, c'est gratuit. Tu vois, ça, c'est gratuit. Ça, ça n'amène rien, ça n'apporte rien. T'aurais pu dire un truc genre, ouais, le gilet jaune, quoi. Enfin, un fils de bois. Un fils de bois, pas mal. D'ailleurs, on devrait faire une blague sur les gilets jaunes, mais bon, malheureusement, on n'arrive plus à le joindre pour le moment, là. Vin, c'est pas grave, ça prouve que vous êtes en direct, même ici avec le WhatsApp, on le sait que c'est du vrai live. Ouais, effectivement, on n'enregistre aucune séquence de cette émission, on fait que du live. Oui. Donc voilà, parce que bon, on se dit qu'autant faire les choses naturellement. Et voilà, une émission trop parfaite où tout fonctionne parfaitement, on n'est pas en télévision, quoi, et on est en radio, et parfois il y a des trucs qui vont pas, bah, c'est le direct, quoi. C'est juste qu'on a essayé, ça donne vraiment mal. C'est de la merde. Ouais, on a essayé d'enregistrer, mais on a trop l'air con. On n'arrive tellement pas. On n'arrive pas à se mettre dedans, c'est oui, ça. Grave. Hello la famille, tout le monde va bien. Vince, un petit renseignement, comment s'appelle-t-elle? Encore la voyante qui était dans ton émission, qui est toujours et qui passe de temps en temps. Il s'agit de Véronica la voyante. Véronica VS sur Facebook, si jamais tu veux la trouver. Vince, la loi de l'attraction, ça me fait bien rire. Bon, Laurent, tu fais vrai avec qui ce soir au niveau du Give Me Five? Tu as le choix entre Nigel, Thibaut, Eddie et moi-même. Nigel. Non, bah, très bien. Nigel. Ouais. Allez. Il sait pas dire mon prénom, c'est mal parti. Nigel. Nigel. Comme un ongle. Alors, je précise le principe du Gimmo 5. On téléphone à des hôtels, Émilie et Laurent. Ces hôtels-là, il ne faut pas réserver une chambre pour de vrai. Hein. Il faut simplement essayer de gagner du temps pour placer un maximum de mots. Les mots, vous en avez 5 à mettre que vous ne pouvez pas tous mettre d'affilée. Il faut attendre que la personne vous réponde avant de pouvoir mettre le mot suivant. Donc, on ne forme pas une phrase avec les 5 mots, sinon, bah. C'est raté, c'est triché, on est bien d'accord. Vous avez une minute pour placer vos mots, c'est tranquille. Les animateurs, eux, par contre, ont une complication. Yes. Ils ont un défi en plus à faire, c'est-à-dire un style, au-delà de placer les mots. On va commencer, honneur aux dames, avec Émilie. Ah, je pensais que Laurent, c'était une dame. Oui. Marseille. Émilie, tes mots sont olympique, récolte, obstacle, cadeau et le dernier, bifle. Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi une bifle? Ben oui. Explique-nous c'est quoi une bifle s'il te plaît. Ben, c'est un truc sexuel. Ouais, mais c'est quoi? Oui, mais quel truc sexuel? Ben, c'est un coup de bite dans la tronche. J'espère que tes enfants ont entendu ça. Oh my god, mais oui. Le petit au bout du lit rigole. C'est sympa quoi. De quoi la tronche? J'ai déjà vu ça. Est-ce que tu as déjà pratiqué la bifle, Émilie? Il y a le petit qui est en train de se marrer. Ou alors il doit ouvrir des grands yeux, genre oh, maman, je peux essayer avec le mien. Ce sera pas une bif, ce sera un flif, ou je sais pas quoi là. Bon, allez, Joel, allez, on retient pas ce qu'il a dit, le con. Allez. Vince, s'il te plaît, écoute bien l'histoire. Hein. Bon, je vais vous expliquer. Moi, j'ai un téléphone Huawei, tu vois. Huawei. Mais ça fait 3 mois, je reçois des messages de Samsung qui me dit que j'ai gagné un iPhone X. Eh ben, oula, madame, je comprends même pas le délire. Ah non, mais laisse tomber, c'est des faux comptes, ça. Ça s'appelle de l'arnaque. Et méfiez-vous, parce que des faux comptes Vince, c'est l'énergie qui tourne, genre gagne ton concours et tout, c'est du fake, hein, comme ça, vous savez. C'est des faux cons aussi. Voilà, bien vu. Tu serais pas une dédicace pour Arnaud, Isor et Richard, je t'aime, merci. Message passé. Bon, attention. On commence avec Émilie. Émilie, c'est parti, on appelle Olympique, récolte, obstacle, cadeau, bifle. Elle fait équipe avec Lara, on appelle un hôtel. dans la liste. Bon courage. Donc, une fois que t'as placé un mot... Elle t'entend plus. Ah oui, non. Ah, je prends pas le risque... Non, parce que moi, j'ai pas confiance dans les standardistes. Ils expliquent trop dans mal. Dans les standardistes. Et coucou à Romain qui est dans la maison. Dans un, comme tout. Et bisous à Maïté qui est à l'écoute, là. Que Nigel a, voilà, a parlé que dessin. Tu vois ce que je veux dire. Ça va, elle a pas mal pris, elle nous kiffe, elle aime bien l'émission. On appelle les hôtels, mais là, ça ne décroche pas. Et ça va décrocher. On appelle ailleurs. Tous les hôtels décrochent. C'est la pénurie depuis que les gilets jaunes ont pris l'otage. Chut. Allez. Nagel. Romain, c'est son premier message en plus sur WhatsApp. C'est cool. Mais les hôtels, ils sont en grève ou quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est peut-être les bus de vacances, ils sont c'est surchargés. Gréviste. 0492 222 002. Émilie, elle parle à son fils. Attention, Émilie, hein, ça va bientôt décrocher. On appelle plein d'hôtels, là, visiblement. Ils sont tous busy. Depuis quand un hôtel, wesh, il est sous les 30 ans? Ouais, c'est vrai. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qui se passe, là? C'est le troisième d'affilée qu'on fait. Oh, le quatrième. Holiday Express, Marseille, Saint-Charles, la réception, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous téléphone pour des renseignements, en fait. Je voudrais réserver une chambre, mais je pourrais vous poser quelques questions. Je vous écoute, madame. Oui, donc je serais pour savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans l'hôtel? Beaucoup d'obstacles pour monter en chambre, vous voulez dire? Oui. Ou bien pour y arriver, pour arriver à l'hôtel? Pour arriver. Non, nous sommes en face de la gare Saint-Charles, donc dès que vous sortez de la gare, vous prenez l'escalator ou les escaliers, vous traversez l'avenue et vous êtes à l'entrée de l'hôtel. Donc, excusez-moi, donc ça c'est pour entrer dans l'hôtel. Oui. Et une fois que vous êtes dans l'hôtel, nous avons des ascenseurs qui vont à tous les étages. Allez, vite, vite, vite. Ok, merci. Est-ce que vous faites vos récoltes de légumes vous-même? Nos récoltes de légumes? Oui. Oui. J'en étais sûr. Un obstacle. Nous sommes un vite. Hôtel, nous ne nous occupons pas de la récolte. Nous avons les sous-traitants qui s'en occupent. Okay. Allez, okay. Au revoir. Est-ce au revoir. Que vous avez déjà pratiqué le bif? Le bif, ah ouais, okay. Alors, c'est la bif, Émilie. Malheureusement, on a dépassé la minute, mais bon, allez, 2 sur 5. Ça va. C'est sympa. C'est sympa. Elle est polie, quoi. Oui, elle est respectueuse, elle veut pas l'interrompre, c'est pour ça. Bisous à Paul qui est connecté aussi, là. Merci, Paul, pour ton message. Il dit qu'il y a des différences entre un rappeur et un campeur. Je sais pas, il va falloir m'expliquer. Bon, attention, Laurent. You ready? Ouais. Parfait, Laurent, c'est parti, on appelle pour toi. Tes mots sont catapulte, pétale, devin, guirlande et doigté. Hôtel Hermès, bonsoir. Oui, bonjour, monsieur Devers, l'appareil. Ce serait pour avoir... Oui. Je suis bien à l'hôtel, là. Oui. Oui, ce serait pour avoir quelques renseignements. Est-ce que l'hôtel est décoré pour les fêtes? Sur sa paix, éventuellement, où il y a des guirlandes? Allô? Oui. Vous êtes monsieur? Monsieur Devin. Ah, elle aurait dû dire catapulte. Oui, parce que je voudrais bien demander justement ma femme en mariage, donc c'est pour voir si je pourrais mettre un peu des pétales dans la chambre. D'accord. Et je voudrais bien un peu pousser un peu plus loin aussi, essayer de lui lancer un bouquet de fleurs avec une catapulte. C'est possible. Oui. Ah, d'accord, carrément. Alors, c'est pour voir aussi si c'est bien, les chambres sont bien insonorisées, parce que. Éventuellement, si je peux lui faire un petit doigté, ce serait bien. Oui, il y a moyen de faire tout ça. Bah, dis donc, monsieur, vous avez quel âge? Oh, 43 ans. Ah oui? Et vous... Ouais, c'est un peu vieux pour se marier, mais bon, voilà. Non, mais même pas ça, mais je veux dire... Mais oui. Je veux vous dire... Pour parler ainsi... Oh, désolé, bon, je manquais un peu d'éducation, mais voilà, bon... Ça non, mais c'est pas une question. Sinon, vous faites souvent des blagues comme ça? Ah non, c'est pas une blague. Ah oui, c'est pas une blague. Les pétales, on peut s'arranger, mais pour le reste... Ça sera pas possible. Ah, je crains que non. Non, bon, on se contente qu'à des pétales, alors. Moi, je vous ressemblerai pour la réservation quand je serai exactement au jour, alors. Ça vient? Bah, vous voulez quand? On peut faire comme ça. Ah, il faut que je voie avec ma femme un peu voir sa disposition, donc il n'y a pas d'accord. De souci. D'accord, il n'y a aucun problème. Une bonne soirée et de bonnes fêtes. Merci, vous aussi. Chérie. Oui, au revoir. Bisous. Même denté. Vous Non, trop tard, trop tard, trop tard. Et joli 5 sur 5. Waouh, waouh, waouh. Bravo, bravo. 5 sur 5. Ah bon, alors là, Laurent. Bravo. Il a mis une claque. Il a mis une claque. Vince, quelle différence entre un sapin et Nigel? Un sapin, c'est un conifère. Ouais. Et Nigel, c'est un con et on peut rien y faire. On la connaît, Sandra. Attention, on la connaît. Hein. Bon, Laurent, qui fait avec Nigel. Nigel, est-ce que tu dois encore jouer? Je ne sais pas. Mais Lara, attention, ça va être à toi si tu fais 5. On arrive à 7 sur 10. Tu es prête, Lara? Tes mots sont... Non, compassion. Non. Bourgeois. Non. Tu veux que je fasse le premier, évidemment. Ah ouais? Tu veux que je parle comme le Père Noël, c'est ça? Exactement. Mais... Fouet, séisme, asile, sapin et... Anulingus. Très bien. Fouet, séisme, asile, sapin, anulingus. Tu vas parler comme le Père Noël. Oh, oh, oh, oh, on y va. Assieds-toi sur mes genoux, mon petit. Escalier, bonsoir. Oh, oh, oh, bonsoir, monsieur Fouet. Est-ce que vous avez été sage cette année? Oh, oh, oh, oh, je sens un séisme dans votre voix. Oh, oh, oh. Oh, mais on dirait que vous venez de l'asile. Oh, oh, oh, oh, oh. Avez-vous un sapin dans votre hôtel? Ah, vous oh, avez une belle voix. Oui, j'aimerais vous faire un anulingus. Oh, oh, oh, oh. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est toi, Loulou? Tu me reconnais pas? J'ai d'abord changé ma voix parce que je pensais que ce serait pas toi qui décrocherais. Mais je t'ai reconnu. Allô? Allô? Allô? Allô? Non mais... Allô? Oh, j'aime bien cet écho. Il est là? Cet écho fait flipper quand même. Bravo Lara! Oh! Elle est jolie, hein. Bravo. Allez, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo. Oh, oh, oh. Joli. 5 sur 5 et j'ai kiffé comment le Père Noël a été fait. Nigel, ça va être à toi de jouer. Pour Nigel, 2 points, c'est bon, 3 points, tu gagnes. Ah, quel bénéf. Compensation, compassion, bourgeon, observatoire, bûche, spermatozoïde. Exactement. Alors, sauf que le style, c'est éternué. Je suis désolé, on va changer ce style. Atchoum. Attends, tu vas faire des atchoum. Non. C'est le Père Noël, toi aussi, tiens. C'est Noël, hein. Ah bah vas-y, c'est bon. Ok, très bien. Il fait l'âne. L'âne du Père Noël. Ah, frère, ça va. Allez. Tu es l'âne du Père Noël. Bonsoir. Attendez, monsieur. Je vous rappelle dans 2 minutes. Attends, comment tu veux que je fasse là, Louis? Il a fait quoi? Le mec, c'est il perdu. A raccroché. Mais non. C'est perdu. Mais attends, mais non. Mais vous me donnez un conseil. Mais attends, t'as raccroché. Attends, mais ça fait zéro. Mais non, attends, parce que tu vas. Mais non. Ça fait zéro. Mais non, attends, tu me dis Félan. Et comme par hasard, on lui répond direct. Donc je lui dis, attends, je te rappelle. En fait, son cerveau était submergé. Ouais, mais combien de fois ça m'est pas arrivé? Non, on se calme 2 secondes. D'où un âne, ça parle, wesh. On vient de téléphoner. Nigel, écoute, écoute, tu fais l'âne, point. Enfin, il a perdu. Alors, c'est la magie de la radio, mais excuse-moi, mais Nigel, ça a décroché. T'as fait, attendez, je vous rappelle, t'as raccroché. C'est fini, il l'a perdu. Donc, du coup, mais rien à voir. Ça veut dire que t'as joué ton truc. Ouais. J'ai pas joué, j'ai rien dit. J'ai dit, attends, je te rappelle, frérot. Mais justement, tu me dis, attends, j'ai rien dit. Je t'ai dit, attends, je te rappelle, frérot. Donc, t'as dit mais quelque chose. Mais non, parce qu'il y avait un quiproquo dans les explications. Non, et c'est comme ça, c'est ce jeu. Tu fais de la radio depuis combien de temps, toi? Depuis 42 piges. Bah voilà. Nigel. C'est fini. Je veux bien être gentil, t'en laisser une chance. Mais il faut vraiment faire l'âne. Ok, ça va. Incroyable. Tu fais l'âne. Oui, bonsoir, monsieur. Ok. Allô, monsieur? Oui, monsieur. C'est bien l'hôtel spermatozoïde? Oui. Oui, en fait, est-ce que vous avez un observatoire dans votre hôtel? Vous me faites chier. Ayez voilà. De la compassion pour moi. Vous vous croyez drôle? Oui, est-ce que c'est une bûche? Vous vous croyez drôle, là? Oui, je suis un bourgeon. Ah, j'en peux plus. C'est long! Non mais par contre, est-ce qu'il y a moyen de louer des escortes dans votre hôtel? Pardon? Ha ha! Drop that beat! Vas-y, je raccroche. La gueule, c'était pas mal. Excusez-moi. C'est un pigeon. Excusez-moi, c'est quoi le cri d'un âne? Pourquoi t'as fait... Ça, c'est un âne 2.0. Mais il était claqué. Attends, fais-nous l'âne, vas-y. Mais c'est l'âne Cardi B. Ouais, mais putain, ça. un âne. Ça fait... Eh ben... Mais... rien à voir. C'est type qui a des problèmes d'oreilles. Mais une extinction mais donc, donc du coup, comme c'est pas respecté, qu'il a pas respecté les règles, c'est-à-dire qu'Emily, qui est celle qui a fait le moins de points. Attends. Quoi? Quoi? Wesh. Ça veut dire que ce soir. Tu veux pas tes règles là. Ça veut dire que. Les gars, arrête de crier. Arrête de gueuler. Ça veut dire que ce soir, c'est Emily qui gagne. Bravo Emily, félicitations. Gilet jaune. Moi, gilet jaune. Mais bravo Emmy, parce que Nigel il nous a pas fait une bonne imitation de Dan, il nous a fait. Mais non, mais c'est. Ouais, c'était plus un pigeon. Hein. Voilà. T'as fait un bruit à pigeon. T'as fait un bruit de Cardi B. Ouais. Voilà. Non, mais Anan, c'est une meuf que je connais. Anan. Elle parle comme ça, mais mais on parle pas de Anan. Putain, on parle pas de Anan, la meuf. On parle de Anan. Ah merde! Hey, j'en peux plus lui. On se fait Kendrick Lamar avec All the Stars. Tu pensais à une meuf qui s'appelle Anan? Mais ouais, elle fait toujours. Oh, il est con lui. Oh là là, il dit Anan du bled, il a raison. Kendrick Lamar, All the Stars. Eh, hey, bienvenue sur Energy. Oh putain, cette émission, mais quel bordel. 23h50, let's go. Nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversations. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. On my mama, that's the realest shit. Let's talk about love. Get away from me. If you do, I won't move. I just cry for no reason. I just pray for no reason. I give thanks for the day, for the hours, and another way, another life breathing. I did it all cause I feel good. I wouldn't do it all if you feel bad. Better live your life. We're running out of time. Let's talk about. Il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider. Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur Énergie. Et les amis, ce soir, alors on va pas se la faire plus tard que trop tard, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Plus tard que trop tard, c'est d'habitude, on termine toujours après minuit. Si vous venez d'arriver sur Énergie, je me présente. Vince, enchanté de faire votre connaissance, les amis. La connaissance, on peut la faire sur Instagram. Enchanté, Vince Radio, V-I-N-Z-R-A-D-I-O. Et puis, c'est pas tout, il y a également, si vous le désirez, le WhatsApp 0492-222-002. Il y a le jeu du qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien que j'avais promis de faire, là. Mais on a ça ou alors le tic-tac-boom. Tic-tac-boom. Donc, du coup, on va faire le cul de Damien demain. Ouais. Et tic-tac-boom, on le fait ce soir. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous au tic-tac-boom, envoyez maintenant boom. Ah, cool. Sur le WhatsApp 0492-222-002. Aussi simple que ça. 0492-222-002. Ouais. Et on a un auditeur ici dans les studios d'énergie, s'il vous plaît. Faites un maximum de bruit pour Colis. Allez, viens, Colis, ouais, les gars. Allez, viens, Colis, installe-toi, Colis, tranquille. Colis, c'est il y a Isor qui veut jouer, là, elle envoie en première, puis après vous, là, on a blindé après. Comment ça va, Colis? Est-ce que tu vas bien? Bien, et vous, merci. Ça va, tranquille, tranquille. Belle petite mèche, hein, le petit Colis, t'as vu ça? C'est très sympa. C'est, je trouve que ça te fait un chouette style, hein, je précise. Merci, merci. Je crois que tu commençais déjà les vannes. Non, pas du tout. Non, pas c'est, du tout. C'est juste un Colis suspect. Voilà. Excellent. Voilà. Il faut mettre dans toi, Nigel. Il s'appelle vraiment Colis. Il faut mettre dans toi. C'est vrai. Colis nous a rendu visite et en même temps, Colis, tu connais bien l'émission, on est d'accord? Oui. Voilà, formidable. Tu connais le jeu du tic-tac-boom ou pas? Oui. Très bien. T'as déjà joué? Non, pas encore? Non. Très bien. Le tic-tac-boom, ce sont des questions de culture générale qui vont être posées ici autour de cette table. Tant que vous répondez bien, eh ben, ça passe au suivant. Si vous répondez mal, je continue à vous poser des questions jusqu'à ce que vous trouvez la bonne réponse. Yeah. Attention, il y a un timing qu'on ne connaît pas. C'est un timing aléatoire, c'est-à-dire qu'il peut très bien exploser. C'est une bombe en fait, en gros, que vous passez. C'est-à-dire que si maintenant la bombe explose sur vous, vous êtes éliminé. C'est fini. Ah, c'est fini. Fouille. C'est le principe du jeu du tic-tac-boom, on est bien d'accord, tout simplement. Donc j'espère que tout le monde est prêt pour jouer. On est en train d'appeler les auditeurs qui veulent participer avec nous là dans l'émission. Le temps pour moi de remercier Émilie d'être passée à l'antenne. Un gros bisou, Émilie. Hein. Bisous. À bientôt, ma chérie. Ne raccroche pas, on prend tes coordonnées tout de suite. Hein, ça va? Ça va, ok. Bisous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Allez, les gars, ça marche pour le tic-tac-boom, vous avez des propositions. Hein. Ça, je dis rien. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des messages. Après, on leur demande de passer. Ils font non, j'ai pas envie, en fait, j'ai peur. Mais comment, pourquoi ils envoient boom alors? C'est la question que je me pose. Non, mais si vous voulez passer à l'antenne pour jouer avec nous au tic-tac-boom, il faut envoyer boom maintenant sur au numéro qui est le suivant. Numéro WhatsApp 0492-222-002. On est bien d'accord. Parfait. Comme ça, les choses sont bien claires. Comme ça, les choses sont dans l'ordre. Avec plaisir. C'est vraiment un mec précis. Je sais, j'essaye de faire au mieux. Du mieux que je peux. Ah, bah voilà, il y a plein de boom qui arrivent là. Alors là, on a des Luxembourgeois même qui nous écoutent ce soir. Et prenez pas des enfants, s'il vous plaît. C'est quoi le principe? Alors, Mac, je vais répéter le principe du tic-tac-boom. Voilà, on vient de l'expliquer, effectivement. Donc, je le réexplique. Je vais poser des questions de culture générale autour de cette table. À tour de rôle, ils doivent me répondre. S'ils répondent mal, je continue à leur poser des questions jusqu'à ce qu'ils répondent bien. Ah. Dès qu'ils répondent bien, ça passe au suivant. Mm-hmm. Ils répondent bien, le suivant, ça passe au suivant. Mm. Sauf qu'il y a une bombe qui peut exploser à un moment. Voilà. On ne sait pas quand. Et si la bombe explose sur toi au moment où tu as donné ta réponse et que je suis pas arrivé sur l'autre personne, t'es éliminé. Ouh. Voilà, c'est très simple en fait. Hein. On est bien d'accord. It's easy guy. Voilà. Suffit d'avoir un peu de cogitation. Exactement. Vince, pourquoi tu termines un peu après minuit ce soir et pas jusqu'en minuit 45 comme d'habitude? Parce que j'ai une soirée après, je dois aller mixer au 7 Club Auto et Taxi. L'argent. Ouais, l'argent. Voilà. Non, simplement les auditeurs qui attendent aussi. Donc c'est la fuck me I'm student que ça s'appelle et voilà. Et donc du coup je dois y aller et il faut pas que j'arrive en retard. C'est tout. Non mais t'inquiète, t'inquiète. On va faire en sorte que t'arrives pas en retard. Il y a Souma qui est là. Salut Souma. Souma est dans la maison. Super, Souma, bienvenue à toi sur Énergie. On va commencer avec toi, c'est Souma. Ensuite, ça se passe avec Nigel, okay. Lara, Colis, l'auditeur qui est ici avec nous en studio, Thibaut, Eddy. Cool. Et après Eddy, c'est qui? C'était toi, Souma, c'est pas grave. Mais comment tu veux qu'il sache, le pauvre? On ne sait jamais. Attention. Il n'a pas de vision. Bon, la team, vous êtes prêts? Ouais. On peut y aller. Ça se concentre bien. Vous êtes prêts? Les questions sous-marins, c'est parti. Voilà. Attends, je vais prendre mon autre question là. Ouais. Voyons voir, ouais, ça c'est bien ça. Ah, ça c'est super ça. Alors, voyons, qu'est-ce que je vais prendre comme questionnaire? Dis-moi un chiffre de 1 à 10. 7. 7. Oh, je vais prendre le premier qui est arrivé, le 7. C'est parti. Voilà, c'est bon, on y est. Oh, oui. Bon. Concentration totale. On y va. Et on commence avec Souma. Souma, tu m'entends bien? Ouais. Souma. Ouais, je t'entends. Super, pour être sûr que tu m'entends bien. Tu sais jamais. Hein. Souma, on y va. On est là. Combien y a-t-il de secondes dans 42 minutes? 60. 30. 2520. Avec quel acteur américain Catherine Zeta-Jones est-elle mariée? Michael Jackson. Michael Douglas, pas loin. Au football, de quelle couleur est le carton donnant un avertissement à un joueur? Jaune. Bonne réponse. Nigel, comment ouais. nomme-t-on une carte plane qui représente l'ensemble du globe terrestre? Une carte plane qui représente l'ensemble du globe terrestre. Une carte postale. Non, une map monde ou un planisphère. Ah. Une map monde. À quelle date précise sommes-nous entrés dans le 21e siècle et le 3e millénaire? 21e siècle en 2000. Non, le 1er janvier 2001. Ben, quel humoriste 2000, français oui. quel, non, c'est 2001. Non, quel non. humoriste français a réalisé le film intitulé Fatal, sorti en 2010? Je sais pas. Michael Youn. Ouais, ouais, vas-y. Alors, quel aliment peut être perdu d'épices ou de gènes? Je sais pas. Le pain perdu. Attends. Alors, à quel animal fait-on référence lorsqu'on parle d'un pur sang? Ben là, ils ont rigolé, j'ai pas entendu, wesh. Oui. À quel animal fait-on référence lorsqu'on parle d'un pur sang? Ah, putain, ouais. Putain, comment ça s'appelle encore cette merde? Ça va pas, hein? Gros, je sais plus. Attends. Je sais pas, un cheval. C'est une bonne réponse, Lara. Selon le proverbe, que fait l'oiseau petit à petit? Il fait son nid. Bonne réponse, Colly. Quel état a choisi de figurer sur les pièces de l'œil? C'est Colly. J'ai même pas fait exprès. T'es un bâtard. Je vais vraiment couille. J'ai même pas eu la question. Je suis désolé. La question c'était quel état a choisi de faire figurer sur ses pièces de 1 et 2 euros le portrait de Juan Carlos Ier. L'Espagne. C'était l'Espagne. Désolé, Coulité. Dommage. Désolé. Ce jeu est un jeu de bâtard, je le précise quand même. Ouais. Hein. Attention, on est reparti et ça se passe avec Thibaut. T'es prêt, Thibaut? Yep. Attention, Thibaut. C'est parti. Oulala. Non, c'est quoi? Je vais prendre une autre question. Parce que là, même toi, tu sais pas la lire ou quoi? C'est pas la question. Ben, si, je peux essayer. Voilà. On sape. Le chaland à fond mobile destiné à transporter en haute mer les produits de dragage est appelé une Marie. Noire. Une Marie salope. Oh, c'est une blague. Vraiment. Ouais, c'est vraiment salope. Ça. Attention, c'est parti, Thibaut. Dans notre sang, ils sont appelés hématies. Ils sont rouges et leucocytes, ils sont blancs. Qui sont-ils? Non, c'est les globules. C'est con. Alors, quel phénomène concernant davantage les hommes que les femmes est appelé roncopathie? Je sais pas, ronflement? Bonne réponse. Bravo. De quel oiseau évoque-t-on le caca pour parler d'une couleur jaune verdâtre? Le caca? Doigt. Bonne réponse. Souma, parce qu'il a répondu. Ouais, mais ouais, mais puis il dit pas sauter alors qu'il donne la bonne réponse. Si tu donnes la réponse et que le gong tombe sur ta réponse, t'es éclaté. Si tu donnes ta réponse, point, et que c'est fini, et que le gong tombe, malheureusement, c'est Souma. Mais ouais, comme les choses n'étaient pas claires, on va garder Souma dans la course. Voilà. Moi aussi. Ouais, c'est ça. Vous êtes malin. Vous essayez de négocier. Hein. Bon les gars, vous êtes prêts? Attention, Souma, c'est reparti. Ouais. Éplez le mot accueil au singulier. A-C-C-E-E-U-I-L. Non, A-C-C-U-E-I-L. Attention, de quel pays Beyrouth était la capitale? Pérou. Le Liban. Non, le Liban. Avec quelle céréale fait-on le malt? Choukotov. De l'orge. L'orge. Purée. Quelles sont les six premières lettres de la troisième branchée? Dommage. Élimination de Souma, malheureusement. C'est Nigel, wesh. Désolé. Non, pas à cause de Nigel. Bah non, parce que. T'es juste con, frère, c'est tout. Attention, les gars. Bon, vous sentez la pression ou pas là? Ouais. Formidable. Vous êtes prêts? Ouais. Et la suite, c'est juste après ça. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Latino, Énergie Hit 2000, Énergie Discover et beaucoup d'autres comme Énergie Rap FR. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais? Si ma t'es fait des rêves bizarres, où tu changes de visage? Retrouvez tout l'univers Énergie Rap FR en non-stop et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Rap FR sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. It's never your fault. With a bang, bang, bang. Banks and ranks, Sean DePaul. Zao. Awo. C'est action, vérité. T'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute? Qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on sait. Bang, bang, bang. ces jeux, amour belliqueux, si. Quand nos cœurs se consument à petit feu, on se renvoie la balle et tout redevient normal, jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a, c'est qu'on en aura mal. Bang, bang, bang. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a, c'est qu'on en aura mal. Remballe ton ego, ego, ego, mets-le de tes ego, ego, yeah. Ce n'est jamais de ta faute, ce n'est jamais de ma faute. Remballe ton ego, ego, ego, mets-le de tes ego, ego. Bang, bang, bang. Balance ta voix à la radio. Ajoute Vince à tes contacts WhatsApp au 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et envoie-lui des notes vocales. Mais bien sûr, si tu as fait plusieurs, tu peux te faire plaisir en le faisant, il n'y a pas de problème. Un numéro luxembourgeois qui nous envoie une note vocale d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore écouté, j'écoute, c'est parti. C'est Vince Asamhaus. Vince Asamhaus, ouais. Luxembourgeois, j'imagine. Luxembourgeois d'ailleurs qui n'est pas de l'allemand, hein, je précise. Non, tout à fait. Faut le préciser, on pense que ça parle allemand au Luxembourg. Oui, ça parle allemand, mais oui. Le luxembourgeois est une langue. Voilà, qui n'est pas à de l'allemand. On est bien d'accord. Bon, en parlant de ça, nous en étions à moi, du tac boom avec Nigel. Alors pour l'instant, l'auditeur Colly s'est fait éliminer, là, qui est avec nous en studio. Et Souma aussi s'est fait éliminer. On le salue. Merci à toi, Souma, d'avoir passé, participé à l'antenne. Bon, vous êtes prêts, les gars? De dingue. Allez, je vous relance, c'est parti. On va reprendre avec Nigel. Nigel, concentration totale. Allez. Le tic-tac-boom, si tu réponds mal, ça reste sur toi jusqu'à ce que tu répondes bien. La bombe peut t'exploser dessus. Si elle explose sur quelqu'un qui est en train de répondre ou qui a répondu, eh ben. C'est perdu. Et voilà, c'est perdu. Enfin, qui a répondu, attention, si jamais tu réponds, point, qu'il y a un petit moment de blanc et que la bombe explose, ça tombe sur l'autre. C'est l'autre qui est éliminé. C'est celui qui doit. Voilà, c'est ça le principe. Vous êtes prêts? Ouais. C'est comme ça. On y va. C'est parti. Nigel, quelles sont les 6 premières lettres de la 3e rangée d'un clavier AZERTY? AZERTY. Bonne réponse. Lara, le pionnier américain David Crockett, fut tué lors d'une célèbre bataille de fort. Le fort? Alamo. Respect. Thibaut, de quel fruit la Beuréardie est-elle une variété? La poire. Bonne réponse. Wow. Quelle était la signification du C de l'acronyme ACEDIC? ACEDIC, changement. Commerce. À quel peintre doit-on le tableau D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Ruben. Paul Gauguin. Ah ouais. Comme l'atteste l'étymologie, à quelle partie du corps se rapporte l'adjectif cutané? À la peau. Bonne réponse. Nigel, dans les mythologies grecques, quel frère d'Électre venge Agamemnon en tuant sa mère, Clitémestre, clitoris. Donc, tu peux me dire, je passe. Hein. Reste. Bonne réponse. Oh là là, joli Nigel. À quelle série de bande dessinée Lara Edgar P. Jacobs appartient l'album Le mystère de la grande pyramide? Je ne sais pas. Black et Mortimer. Ah oui. Quel grand fleuve italien naît dans les Alpes du Mont Viso? Le Tibre. Non, c'est le Po. Ah. De quel fruit la guigne est-elle une variété? La guigne. Ouais, la guigne. Je suis pas une cerise. Bonne réponse. Thibaut, quel adjectif qualifie le mardi qui précède? Bonne réponse. Bien. Comment appelle-t-on les habitants de la Flandre? Des Flamands. Bonne réponse. Attention, Nigel. Quelle chanteuse britannique déjantée pourrait... Oh, Nigel est éliminé. Élimination, Nigel. C'est une grosse blague. Oh là là. Et franchement, il s'est passé un truc avec cerise, avec gras, avec flamand. Ouais. Ça a été super rapide. Mais Nigel, c'est quoi la question pour voir si tu savais répondre? Quelle chanteuse britannique déjantée pourrait s'appeler en français Amy Maison du Vin? Putain. C'est con, hein? Ah ouais. Oh là là. Putain, mais c'était Britney Spears. Non, ouais. C'est con. Bon, attention, la team, on est reparti, vous êtes prêts? Ouais. Et on y va, c'est parti, Lara. En mathématiques, le numérateur est situé au-dessus de la barre de fraction. Comment s'appelle? Le dénominateur. Bonne réponse. Thibaut, dans le compte perse, combien de voleurs Alibaba se... 40. Compte, ouais, très bien, 40 voleurs. Eddie, dans quel sport collectif tire-t-on des lancers francs? Au basket. Bonne réponse. Quelle actrice, Lara Vincent Delerme, a-t-il décidé dédié à qui? Vincent Delerme a dédié sa première chanson de son premier album. Brigitte Bardot. Fanny Ardant. Familièrement, que désigne le mot biclou? yeux. Un vélo. Dans quelle épreuve d'athlétisme Guy Drut fut est devenu champion olympique en 1966? 200 mètres et. Bonne réponse, putain. C'est une blague. Si, vite. Thibaut, pour Freud l'esprit. Mais c'est pas ça, moi. Si, si. Vite. Pour l'esprit humain est constitué de trois instances psychologiques, le ça, le moi et le. L'en-soi. Le surmoi, t'étais pas loin. Le surmoi, putain, merde. Alors, qu'est-ce qui peut être à bec, de pan ou traversière? Une flûte. Bonne réponse. Attention, quelle était la nationalité du boxeur? C'est quoi la question? Quelle était la nationalité du boxeur Carlos Monzon? Elle était mexicaine, non? Argentin. Ouais, je le savais pas. Et il y a Nigel